Vous êtes assez tard pour l'écouter. C'est fou. CA. 89. Le plan de cette semaine à Assemblée Azuki. On changera mano à mano et womano des sujets qui nous intéressent le plus, de filles dans cet effet, de gadgets dans sexy si ça ne devrait pas là, et de malbouffe dans une grosse pointe d'adresse. Assemblée Azuki commence tout de suite. Assemblée Azuki. Toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Rocky pour la semaine du 4 juillet 2016. Je m'appelle Mathieu Plante, Tania Baudin va être de retour la semaine prochaine, elle a des vacances aujourd'hui. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières et c'est sur notre chanson thème de Vanessa Pariétaire, remaniée par les risques du plasmique qu'on débute aujourd'hui. Émission de 3 heures qu'on passait ensemble, oui, seul à seul. Yeux dans les yeux. On va se faire des doublons de chaque chronique. Donc, deux fois c'est un fait, deux fois ça existe et deux fois une grosse pointe d'adresse dans l'émission d'aujourd'hui en première, deuxième et troisième heure. On va voir aussi de nouvelles entrées du palmarès à entendre, de nos palmarès francophones et anglophones. Et justement, tiens, on va commencer du côté francophone en entendre quelqu'un qui date quand même. Je me rappelle avoir entendu Louis-Philippe Gingras sur nos palmarès dans le temps. Il a un nouvel album qui s'appelle Parc à chien. Mais ce qui est intéressant, c'est que sa pièce a un featuring de notre ami La Bronze. On adore la bronze, donc voici, c'est Louis-Philippe Gingras, Parc à chien, 89.1 FM, c'est fou. Pogne ma main, on s'en va au parc à chien. Comptez les cacatoès, fumez des botches d'aloès, riant des polices. À se taper sur leur pas de cuisse, je crie, c'est rien au parc à chien. Pogne la bière, on s'en va au parc à soir. Comptez les moutons dans le ciel, m'a chanté des tonnes de Noël. On rira aux éclats, les obus sur Gaza. Nous crisseriez au parc à chien. On dormira à belle étoile, dans cabane du terrain de balle, en cuillère ou en couteau sale. On boira direct en fontaine, les bits de drum, snow beden. Lève donc ta petite laine, fais de toi une fémène. Oui, juillet sera tienne et mienne. Des histoires de peur au bon et au quai de liqueur. On rira plus pantoute. L'hiver arrivera goutte à goutte. Y'a rien à crisser au parc enneigé. Pogne ton jacket, on s'en va pis il fait fret. Check donc ça un spot de verre. L'été met le feu à l'hiver. En riant des bancs de neige, ma peau redevient un peu beige. dormira à belle étoile d'un cabane stérène balle, à cuillère ou un couteau sale. On boira direct dans fontaine des bits de drame sur nos bédaines. Lève donc ta petite laine, fais de toi une fémène. Oui, juillet sera tienne et mienne. Philippe Gingras et la bronze avec Parc à chiens. Ah, assemblage requis. Maudit Bandcamp qui veut tout le temps faire jouer deux affaires en même temps, c'est tout le temps comme ça. Mais que voulez-vous, hein? On s'en sort éventuellement, ça fonctionne. Donc toujours assemblage requis et on débute l'émission avec un petit peu de délai aujourd'hui, un petit peu de retard, mais c'est pas grave, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Hein? Voici C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véritables et vérifiables selon nos sources sur Internet, évidemment assemblagerequis.com pour toutes les informations, pour tout savoir, pour suivre tous les liens, tous les articles qui racontent ce que je vous dis en ondes, hein? Alors, on a deux petits blocs aujourd'hui de C'est un fait qu'on va faire dans la première heure. Et commençons avec un des faits les plus intéressants que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Surtout que la page va être ouverte. Beaucoup de délais aujourd'hui, comme toujours. C'est l'été, les choses sont lentes, sont collantes, sont achalantes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec lente? Brillante. Oh! Hein? Vous allez être plus brillant à la fin. C'est bon, hein? On aurait pu croire qu'avec quatre jeux de mots comme ça, j'aurais pu avoir les pages. T'sais. Ah, voilà. Quand ça commence à sauter, c'est que ça s'en vient. C'est comme quand quand t'es devant le four puis que t'attends, puis là tu commences à voir le fromage qui fait des petites bulles, brrr, ça devient un petit peu brun dessus. Là. C'est que c'est presque à point. Hein? Ici c'est la musique qui saute en arrière-plan. Aussitôt, ça s'en vient. Je me réchauffe devant le feu quand je sors. Les petits oiseaux m'écoutent. Boy que c'est. Ok. Donc une fille de 10 ans, tiens, Tilly Smith. Il a sauvé sa famille et 100 autres touristes d'un grand tsunami en 2004 en reconnaissant les signes des tsunamis qu'elle avait appris dans une leçon de géographie deux semaines avant. Elle avait entendu parler des signes de tsunami et elle a sauvé 100 touristes et sa famille. L'autoroute M185 sur Bacchic Island dans le Michigan est la seule autoroute d'État aux États-Unis où aucun véhicule motorisé est permis. On ne peut seulement voyager que par bicyclette, par cheval ou encore à pied. C'est la M185 à Mackinac Island dans le Michigan aux États-Unis. Les panthères ne sont pas une vraie espèce. En fait, ce sont des jaguars et des léopards qui ont du mélanisme, c'est-à-dire c'est le contraire en fait de l'albinisme. Albinisme, c'est de ne pas avoir de pigmentation. Et bien, eux ont beaucoup plus de pigmentation, donc c'est des jaguars et des léopards avec plus de noir dessus, ce qui donne des panthères. El Chapo. Ça, c'était un criminel. Je vais aller voir sur Wikipédia avant de dire son origine et de dire à peu près n'importe quoi, comme j'aime bien le faire d'habitude. Joaquin Arrivalo Guzman Loera. Aussi nommé El Chapo, né en décembre 54 dans l'état de Sinaloa au Mexique, un mafieux mexicain qui dirige le cartel de Sinaloa, organisation spécialisée dans le trafic international de stupéfiants. On le surnomme El Chapo, ou le Trapu, à cause de sa taille de 1m67. Donc El Chapo choisissait un restaurant élégant où les gens qui étaient présents demandaient poliment. On leur demandait en fait poliment de donner leur téléphone, promettant qu'ils allaient plus tard revoir leur téléphone à la fin de la soirée. Chapo arrivait, mangeait, redonnait le téléphone, payait pour tout le monde et partait dans la nuit comme ça, ni vu ni connu, El Chapo. Hein? Un criminel généreux. L'ermite de l'étang du Nord, si on veut, le North Pond Hermit, a vécu pendant 27 ans sans aucun contact humain. Il se cachait dans les bois du centre du Maine, l'état du Maine aux États-Unis. Il survivait en entrant dans les maisons le soir et en volant de la nourriture, des vêtements et en lisant des livres ou des magazines, peu importe ce qu'il y avait dans la maison, avant de se faire arrêter. En 2013, c'était le North Pond Hermit. En Tunisie, on peut booker un petit séjour d'une nuitée dans les maisons d'enfance de Luke Skywalker. On se rappelle dans les films de Star Wars, les petites grottes sous le sable. Donc on se rappelle un peu du paysage dans le désert là. Donc ça a été tourné en Tunisie. Donc on peut passer une nuitée dans la maison d'enfance de Luke Skywalker pour seulement 10$. Pourquoi pas? Pendant une grosse attrape en 1964, un journaliste suédois montrait des peintures faites par un chimpanzé signé par le nom de Pierre Brasso. Hein, ne pas confondre Pierre Brassard et Pierre Brasso. Donc le journaliste testait à savoir si les critiques pouvaient faire la différence entre de l'art moderne et avant-garde et les peintures d'un singe. En fait, ils ne pouvaient pas faire la différence et en fait, ils ont même dit que que ces peintures-là étaient absolument parfaites, super belles. Donc, ils encourageaient tout ça. Et après ça, on a su que c'était par un singe. Comment on appelle ça déjà? Je le lis sur le bout de la langue, puis sérieusement, Tania pourrait m'aider si elle était là. j'ai cherché où est-ce, excusez-moi. Donc, je cherchais l'oiseau noir, l'aigle noir. Est-ce que c'est pas l'aigle noir? Il y a un mot pour ça. Le corbeau. Voilà, j'aurais dû penser à Salomé. Salomé corbeau. Donc, les corbeaux, des fois, on les appelle des wolfbirds, des oiseaux-loups, parce qu'ils forment un attachement social avec les loups. Où il y a des loups, il y a souvent des corbeaux qui suivent les loups pour prendre les restants de leur chasse et pour agacer les loups, jouer avec. Donc, ils jouent avec les loups en leur plongeant dessus et ensuite en partant super rapidement ou encore en les bécotant leur queue pour essayer de les faire poursuivre les corbeaux. Donc, pour essayer de se faire poursuivre par les corbeaux. Donc, c'est un petit jeu amusant qu'ils ont, les corbeaux et les loups. Un artiste nommé Ayano Tsukimi, dans un petit village du Japon, crée des poupées grandeur réelle, donc des grandeurs humaines, si on veut, à la place de résidents morts. Donc, il fait ça depuis les 10 dernières années. Aujourd'hui, le nombre de poupées grandeur nature, il y a plus de poupées grandeur nature, oui, que de résidents dans ce village, 10 contre 1. Donc, ça ressemble aux gens qu'il y avait dans ce village-là. Donc, le même genre de vêtements, le même genre de chapeau, une canne, peu importe. Donc, allez voir les photos. Il y a aussi des classes remplies de jeunes élèves, mais en poupées. Donc, c'est pour, j'imagine, rendre hommage aux habitants de cette ville-là qui sont morts, malheureusement. Il y a un jeu de cartes qui s'appelle Cold Case Homicide Playing Cards, donc des cartes à jouer d'homicide froid, quand on appelle ça froid, les cas froids. Vous avez sûrement vu des cold cases à la télé dans différentes émissions de justice, des émissions policières. C'est des cas qui sont irrésolus depuis très longtemps, donc ils sont froids, ils sont gelés. Il faut les réchauffer des fois pour essayer de retrouver la trace du criminel. Donc, le paquet de cartes de 52 cartes, chaque carte a l'information de différentes victimes et on passe ça à des prisonniers dans les prisons en espérant qu'ils vont pouvoir amener des informations. La Floride, en moyenne, a 2 à 3 cas qui sont résolus par paquet de cartes. Ça va quand même bien. Donc, il y a le nom de la victime, une photo, un petit texte résumé et une ligne de téléphone qu'on peut rejoindre si on reconnaît la personne ou si on a des informations à fournir. Un biologiste moléculaire célèbre nommé James Watson a mis son prix Nobel aux enchères en 2014 après les difficultés financières. Il s'est vendu son prix Nobel pour 4,1 millions et a tout de suite été redonné à Monsieur Watson par l'acheteur. Ça, c'est un cas de générosité assez extrême. On adore ça. Un homme avec une infection à l'oreille chronique, une infection chronique à l'oreille, c'est lui-même guéri en... En fait, c'est lui-même guéri de sa propre cire d'oreille. On lui a donné plusieurs médicaments, les docteurs l'ont fait, mais rien fonctionnait. Il était désespéré, donc il a pris de la cire d'oreille de sa bonne oreille. Donc, disons qu'il a mal à l'oreille gauche, il a une infection à l'oreille gauche. Il a, disons, pris la cire d'oreille de son oreille droite, l'a placée dans son oreille gauche. Et 2 jours plus tard, tout allait bien. Il est devenu lui-même son propre médecin. C'est fantastique ce que la débrouillardise peut faire. On ne sait pas comment ça a réglé le problème, mais ça l'a réglé. Donc, c'est une histoire qui vient de l'Université de Pittsburgh, School of Medicine. Il y a ici des gouttes, il y a ici des antibiotiques, plusieurs autres traitements. Les docteurs à Pittsburgh lui ont donné d'autres antibiotiques. Le patient est revenu à la clinique une semaine plus tard et a dit qu'il était guéri. Et c'est ça, il a raconté son histoire de cire d'oreille. Une transplantation qui a été la solution à cette infection. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait si les deux oreilles sont infectées, nous demande l'article. En effet. R. Norris Williams a survécu au Titanic, évidemment, le Titanic qui a fini par couler, mais il a passé tellement de temps submergé dans l'eau de l'Atlantique, l'eau glacée, que les docteurs voulaient amputer ses jambes lorsqu'il était sauvé sur le bateau Carpathia. Il a refusé l'amputation, il s'en est remis et finalement il a gagné le championnat de tennis américain la même année. Félicitations, monsieur R. Norris Williams. Les écoles japonaises n'emploient pas de concierges. Hein? Donc, le système de l'éducation japonais croit que demander aux étudiants de nettoyer leur propre école eux-mêmes leur enseigne le respect, la responsabilité et l'égalité des rôles. Et je dois dire que Colin, je trouve que c'est une maudite bonne idée. Je me serais plaint à l'époque, mais Colin, ça m'aurait sûrement appris quelque chose. M&M. Les M&M ont été créés pour que les soldats dans l'armée militaire puissent savourer des chocolats, des bonbons qui résistent à la chaleur et qui puissent être facilement transportés, ces bonbons-là, pendant la guerre. Une compagnie eco-friendly, donc qui encourage, en tout cas qui aide l'environnement au Royaume-Uni, fait pousser une forêt de chaises et de tables. La compagnie s'appelle Full Grown et fabrique ses propres meubles en faisant pousser de nouveaux arbres dans des moules spéciaux qui vont en fait tenir la forme d'une chaise, d'une lampe, d'une table, de cadre même, une fois qu'ils sont rendus à maturité, à la place d'utiliser un processus de manufacture de masse qui est plus difficile pour l'environnement. Allez voir les chaises, allez voir les arbres, il y a des photos de tout ça sur assemblagerequis.com. C'est un petit peu croche, évidemment, on peut pas s'attendre à une chaise parfaitement égale des deux bords. Mais quand même, ça peut fonctionner. T'sais, pour s'asseoir un petit quelques petites secondes. Les scientifiques australiens ont créé une bière qui ne crée pas de lendemain de veille et qui hydrate. Les scientifiques australiens, nous dit-on, qui ont créé ça. Félicitations, un fait vraiment bref. Ensuite, la voix intérieure, donc la voix qu'on entend à l'intérieur de notre tête quand on lit ou quand on pense, est accompagnée d'un petit minuscule mouvement musculaire dans le larynx. Mettez votre main, j'imagine, sur le larynx, peut-être que vous allez le remarquer vous-même, mais quand vous parlez dans votre tête, il y a un petit mouvement de muscle. Une orque a déjà tué un grand requin blanc, comme ça qu'on appelle ça, je crois, près des Farallon Islands en Californie en 2000. L'odeur de la carcasse du requin mort a fait que tous les requins blancs du coin ont disparu. Un requin blanc avec une étiquette, si on veut, satellite dans le coin, a été vu en train d'immédiatement plonger à une profondeur de 500 mètres. Il a ensuite nagé jusqu'à Hawaï pour s'enfuir de ça. C'est bon. Alexander Graham Bell a développé le détecteur de métal. C'était une dernière chance, si on veut. Il voulait trouver une balle. Donc, une balle de fusil située dans la poitrine du président américain James Garfield en 1881. Il n'a pas eu de succès parce que le ressort de métal... Tu sais, les matelas, des fois, ont des ressorts de métal. Donc, le ressort de métal sur lequel était couché M. Garfield a confus le détecteur. Donc, le détecteur détectait les ressorts. Donc, il n'a pas réussi à trouver la balle, malheureusement. Il aurait fallu qu'il comprenne qu'il fallait juste l'asseoir sur autre chose que ce matelas. Mais... Un avocat a essayé de régler à l'amiable un cas au civil en amenant, donc en invoquant son droit à un procès par combat à New York en 2015. Un procès par combat, une bataille, une chicane de famille. Hein? Donc on dit qu'il n'y a pas de loi qui interdit ça. Donc il y a des gens qui aiment Game of Thrones un petit peu trop fort, dit l'article du Time.com. Allez voir l'article pour les détails. Dans l'Union soviétique en 1991, voter aucune de ses réponses a mené à une nouvelle élection avec de nouveaux candidats. Éventuellement, ça a mené à la fin de l'Union soviétique. Donc ça, c'était en 1991, quand même récemment. On a voté pour aucune de ses réponses. À Cuba, ramasser quelqu'un qui fait du pouce est obligatoire pour les véhicules gouvernementaux si de l'espace pour les passagers est bien sûr disponible. Le pouce est très encouragé. Il y a très peu de voitures et il y a des endroits en fait qui sont désignés aux pousseux. À des endroits spécifiques pour ça. Les personnes qui attendent à se faire ramasser, en fait, on va les prendre premier arrivé, premier servi. C'est le, si on veut, la phrase qu'on utilise, premier arrivé, premier servi. En 2007, un chien a sauvé son propriétaire de l'étouffement quand une pomme s'est prise dans la gorge de la femme. Elle s'est fait elle-même la manœuvre de Heimlich et ça n'a pas fonctionné. Donc son chien, nommé Toby, oui, pareil comme le Toby dans les films, a sauté et l'a poussé par terre, rapidement a sauté de façon répétée sur sa poitrine jusqu'à ce que la pomme soit libérée et ensuite a léché son visage pour qu'elle ne tombe pas dans les pommes. C'est pas merveilleux ça? Ses voies respiratoires étaient complètement bloquées, donc Debbie, qui avait essayé de se guérir elle-même, n'a pas réussi. L'histoire a bien sûr attiré l'attention des médias nationaux. Toby est passé avec Debbie à Good Morning America et le Late Show de David Letterman. Et l'American Society for the Prevention of Cruelty to Animals a nommé Toby son chien de l'année en 2007. Et finalement, le 31 juillet 2013, les voleurs ont volé des ordinateurs dans une bâtisse et ont ramené rapidement les ordinateurs avec une lettre d'excuse après avoir réalisé qu'ils avaient volé un groupe à but non lucratif qui aide les victimes de violences sexuelles. Je vais vous citer la lettre. Nous avions aucune idée que nous prenions vos affaires et nous espérons que vous allez continuer à faire une différence dans la vie des gens. Que Dieu vous bénisse, évidemment. Hein, ça finit toujours aux États-Unis avec que Dieu vous bénisse. Ça s'est passé donc en 2013. Je vous dirais bien félicitations à ces voleurs-là, mais c'est pas parce que vous vous excusez que vous vous sentez mal que vous êtes pas des voleurs pareils. Hein? Voilà. Tantôt, on a entendu une nouvelle pièce du palmarès qui était sur Bandcamp. J'ai réussi à en trouver une deuxième, et celle-là est aussi sur Bandcamp, mais j'ai réussi à la ripper pendant que je vous parlais! N'est-ce pas un miracle de la technologie moderne? Hein? Donc on va l'entendre, Montréal Carnivore. La pièce s'appelle Les Oreilles. On écoute ça à Assemblage Rocky sur C'est Fou 89.1 FM. Deuxième place des palmarès de C'est Fou. Maintenant, on prend une petite pause au retour. Une deuxième partie de C'est un fait, RSL. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Vous êtes assez pour l'écouter. Pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Mais non, pas c'est un fait de suite. Wow. Pressé, bonhomme, pressé. Assemblage de pire. Oui. Assemblage de pire. Toujours à Assemblage Rocky pour la semaine du 4 juillet 2016. God bless America! Je m'appelle Mathieu Plante. Tania va être de retour la semaine prochaine, elle est en vacances aujourd'hui. Tiens, tantôt on était en plein C'est un fait. Je trouve que ça a très bien été. Donc allons-y avec une deuxième partie parce que j'ai pas assez appris. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas. C'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est vrai, des choses véridiques, véritables et vérifiables, oui, selon Internet. Les sources sont sur assemblagerequis.com. Commençons au Canada, ici même. Il y a un lac avec des taches Spotted Lake au Canada, où presque toute l'eau s'évapore l'été et laisse derrière des petites flaques de dépôts de minéraux. Des petites flaques vraiment colorées. On voit les photos, c'est des fois jaune, des fois vert, des fois bleu. C'est particulier, c'est le Spotted Lake, donc un lac, on dit saline. Endorhyke Alkali Lake, situé dans le nord-ouest des Osoyoos, dans la vallée de Similkameen, dans l'est de ça, en Colombie-Britannique. On y accède par l'autoroute 3. Ça vous intéresse de visiter le Spotted Lake. Compliqué tout ça. Un chien à 1000 ans attrape, prend fréquemment l'autobus numéro 54 de lui-même, de sa propre volonté, pour visiter son endroit préféré de la ville. Il va seulement entrer dans l'autobus si c'est le conducteur qu'il aime. Une fois qu'il s'est rendu à sa destination, qui est un parc, il va sauter de l'autobus, il va descendre. Il va se promener pendant quelques heures avant de reprendre le même autobus et de retourner à la maison. Un chien à 1000 ans. Après un accident d'avion en 1946, Howard Hughes a décidé qu'il n'aimait pas le design du lit d'hôpital dans lequel il était couché. Donc il a appelé ses ingénieurs et leur a fait dessiner un nouveau lit qui permettrait à quelqu'un avec des brûlures sévères de bouger librement. C'est devenu un prototype pour le lit d'hôpital moderne, qui est beaucoup plus confortable que celui qu'on avait en 1946. Il y a une île près de la côte de Dublin en Irlande nommée Lambay Island qui a une population de wallabies. C'est un genre de marsupiens, c'est ça, un genre de kangourou. Donc des descendants de ces animaux-là. Ils sont les descendants d'animaux que le zoo de Dublin ne pouvait plus entretenir ou ne pouvait plus en prendre soin parce qu'il y en avait trop, des animaux. Des wallabies en Irlande. C'est super mignon, des wallabies, pour vrai. Normalement, on les voit en Australie, mais c'est cette espèce de marsupiens. Marsupiaux. Wow! Le vocabulaire aujourd'hui. Peter Wilson était directeur du zoo de Dublin dans les années 80, au milieu des années 80, lorsque la population de Wallaby a pris de l'expansion. Leur zoo était trop petit pour les accueillir tous, et Wilson avait de la difficulté à trouver une maison pour ces Wallabies-là. Wilson a dit qu'il était certain que l'Australie ne voulait pas les ravoir non plus, ne voulant pas euthanasier les animaux s'il ne pouvait pas leur trouver une nouvelle maison. Wilson s'est retourné vers la famille Baring, dont l'île privée était un choix idéal pour la population de Wallabies. Donc Wilson a envoyé 7 Wallabies dans des boîtes de bois, les a envoyés sur l'île. Et depuis leur arrivée, les Wallabies sont très très heureux là-bas, qu'on dit. Et la population a grandi depuis. On estime qu'entre 30 et 50 Wallabies vivent sur l'île de Lambay aujourd'hui. Magnifique. Alors, en 2013, une femme de 65 ans à Seattle voulait faire un jeûne pendant 100 jours pour prouver que les humains pouvaient survivre seulement avec de l'air, de l'eau et de la lumière. Elle a arrêté son expérience après 47 jours pour pas mourir. Hein? Les kiwis sont... les kiwis, on parle des oiseaux, pas des fruits. Les kiwis sont environ de la grosseur d'un poulet, mais leurs œufs sont 6 fois plus gros qu'un œuf de poulet. L'œuf prend tellement d'espace dans une mère kiwi qu'elle est forcée à jeûner, comme la madame de tout à l'heure, pour dans les derniers jours, avant de pondre son œuf. C'est le plus gros œuf en relation proportionnelle avec le corps d'un oiseau dans le monde animal. Vraiment intéressant. Il y a une place où on fait des concerts qui s'appelle le Volcano Room. C'est dans les cavernes de Cumberland au Tennessee. C'est là qu'on fait une série mensuelle, donc une fois par mois, qui s'appelle le Bluegrass Underground. La pièce fait 333 pieds profondeur. Donc elle est pas... Non. Elle est à 333 pieds de profondeur. La pièce en tant que telle ne fait pas ça d'auteur. Il fait 57 degrés à l'année longue. On parle de Fahrenheit ici. Et les acoustiques vont imiter un studio professionnel d'enregistrement de musique. On va juste aller voir pour le plaisir total. 50 degrés Fahrenheit en Celsius. Ça nous dit... Ça peut mettre des mots en trop dans ma question. In Celsius. Ça fait 13, presque 14 degrés Celsius. Une femme de Colombie a été élevée par des singes après avoir été kidnappée et abandonnée dans la jungle quand elle était enfant. Elle a passé 5 ans de son enfance à vivre avec une colonie de capucins en Colombie. C'est tout ce qu'il y a à dire. Pour éviter d'avoir des rides dans son visage, une femme dit ne pas avoir souri ou ri pendant 40 ans, même après la naissance de sa fille. Elle t'a un de ces airs bêtes que tu veux fesser dessus. Sérieusement. Mais quand même joli. Ça fait, elle a l'air d'une top modèle. Les top modèles ont toujours l'air vraiment super bêtes. C'est comme leur sacré coup de poil en fond d'en face, genre des fois. Sans aucune violence, bien sûr. Avec amour. a pan of love. Après un vol qui a été arrêté le 11 septembre, 2001, bien sûr. Un avion a reçu la permission de voler. À l'intérieur de l'avion, il y avait un antivenin qui s'en allait de San Diego à la Floride pour sauver la vie d'un éleveur de serpents qui souffrait donc d'une morsure mortelle de taipan. Le seul autre antivenin, anti-taipan, était à New York. Hein? Donc celui-là venait de San Diego à la Floride. Et ben. Google offre à ses employés des condoms gratuits qui viennent en différentes couleurs, bleu, rouge, vert ou jaune, comme les lettres du logo de Google, et ils ont la phrase « J'ai de la chance » ou « I'm feeling lucky » imprimée dessus. C'est mignon, mignon, mignon. Joshua Browder, 18 ans, a créé un avocat robot, un robot lawyer, donc un site web qui permet aux gens d'avoir des documents légaux générés, personnalisés, gratuits, pour aller en appel lorsqu'on leur donne une contravention de stationnement. On estime que ce service-là a déjà économisé à leurs utilisateurs un beau 3 millions de dollars. En 1950, les scientifiques à la UCLA ont réussi à faire des poulets à trois ailes pour faire plus de le poulet. En 1950, c'est Jean-Philippe Charbonneau, directeur général, qui aimerait ça. Selon les et ancien co-animateur d'Assemblage requis, pour ceux qui écoutaient à ce moment-là. Selon les chercheurs, les gens qui se couchent tard et qui restent couchés tard aussi, donc les night owls, les hiboux de nuit, ont tendance à être plus extravagants, plus impulsifs, à chercher la nouveauté, tu sais, tout ce qui est excitant parce que c'est nouveau. Aussi, ils ont tendance à avoir plus de chances de développer un comportement de dépendance, un désordre mental et des tendances antisociales. Colin, mais ça me décrit si bien, moi qui est vraiment hibou de nuit, littéralement, pas littéralement, mais dans le sens que, ouais, ben, c'est juste quelqu'un qui se couche tard l'été. Il y a seulement à l'automne et à l'hiver, où j'anime le matin, que je dois me lever tôt. C'est d'aller à contresens de ma personnalité, pas mal, ça. Il y a une tablette d'argile qui vient de 4000 ans, qui est en fait une lettre d'un consommateur, d'un client, qui se plaint sur du cuivre, au sujet de cuivre qui n'est pas à son. Qui n'est pas, comment dire, qui n'atteint pas ses standards assez élevés pour cette personne-là. Et donc, il veut un remboursement pour son cuivre. C'est une lettre, donc, d'il y a 4000 ans en argile. Ça s'appelle le. C'est une lettre, une tablette envoyée à Ian Nassir, conservé au musée britannique, le British Museum. C'est un marchand qui s'appelle Ian Nassir, de la part d'un client nommé Nani. On considère que c'est la plainte écrite la plus vieille qu'on connaît. En 1984, une personne, un jeune bambin d'un an, a reçu une transplantation de cœur d'un babouin, mais finalement est mort 21 jours plus tard à cause d'un rejet. Lorsqu'on a posé des questions à savoir pourquoi un babouin et non pas un primate qui est un petit peu plus près de l'humain dans la généalogie de l'évolution. Donc le chirurgien a dit qu'il ne croyait pas en l'évolution. Donc il s'est dit, les singes tout pareil, fait que je vais en prendre un de babouin. Bravo. En 2012, un homme a sacrifié, on reste en médecine, un homme a sacrifié son... je savais que ça allait m'arriver une fois de temps en temps, sans Tania. Ça n'avait pas le choix. Tu sais, pour ceux qui écoutent Assemblage requis fréquemment, et je sais que vous êtes nombreux, et je sais que vous allez rire de moi, hein? Mais vous savez que j'ai de la misère avec kidney, j'ai de la misère avec rein, poumon, et c'est quoi l'autre? J'ai de la misère à même retenir avec quoi j'ai de la misère. Mais kidney, c'est un rein. Un rein. Je me suis dit que j'allais avoir un tableau un jour ou une petite pancarte affichée sur le babillard, et puis personne qui l'a fait encore. Mais c'est pour ça que je me trompe. Donc, un homme, en 2012, a sacrifié son rein pour sauver sa jeune sœur, mais ses efforts étaient complètement en vain parce qu'une infirmière a malheureusement et par erreur, malencontreusement, je vais utiliser ce mot-là, malencontreusement, jeté l'organe qui avait été donné. Malgré le succès de la transplantation de rein, trois mois plus tard, la famille a poursuivi l'hôpital pour leur négligence. Évidemment, les articles ne disent jamais si la poursuite a été un succès ou pas. Le walkie-talkie. Non, pas l'appareil, mais ici une bâtisse à Londres qui a malencontreusement, une deuxième fois, fait fondre les voitures et a changé la météo du coin à cause de son design concave qui focus un rayon de lumière jusqu'à six fois plus brillant que la lumière directe du soleil. Ça a même fait chauffer le trottoir jusqu'à presque 250 degrés Fahrenheit à certains endroits. Ça a fait fondre des choses, ça a fait fondre des miroirs de voitures, des toits de voitures. La bâtisse était vraiment faite avec, concave. Là, vous savez, concave, c'est comme une courbe vers l'intérieur de la bâtisse. Et donc, le soleil le soleil plonge sur les fenêtres, sur les vitres. Et le soleil est redirigé ensuite. Donc, on va aller voir 250 degrés Fahrenheit. En Celsius, ça fait 121 degrés Celsius. C'est quand même considérable. Étant donné que le Brésil ne pouvait pas se permettre d'envoyer ses athlètes aux Olympiques de 1932 à San Jose, ils ont chargé leur bateau avec du café et ils ont vendu le café en cours de route pour faire de l'argent pour réussir à se payer le voyage. Intelligent quand même. Et c'est quand même récemment tout ça. C'était en quoi? En 1932. Semi-récemment. Les scientifiques nous apprennent que vous ayez les yeux bandés ou pas. Les gens qui se faisaient demander de marcher dans une ligne droite sans avoir un point de référence vont toujours marcher en cercle. Et on n'est pas capable de déterminer pourquoi. Mais donc, que vous soyez bandés, les yeux bandés ou pas, les gens qui se font demander de marcher en ligne droite sans point de référence vont toujours marcher en cercle. Mettons dans la forêt ou peu importe, là, t'as pas les yeux bandés, t'es dans la forêt, tu marches, tu vas seulement faire un cercle. On a parlé tantôt d'une grotte avec un écho incroyable, donc l'écho le plus long. Écho est bien un mot masculin, hein. J'aime ça ne pas avoir personne sur qui me fier pour remplir les silences pendant que je cherche des affaires pour poser n'importe quoi. Écho est un mot, attention, masculin, yes, j'aime ça avoir raison. Donc le plus long écho à jamais avoir été enregistré dans une structure créée par l'homme et dans un dépôt pour le gaz, donc l'essence, le fuel, sous la terre, construit en Écosse avant la Deuxième Guerre mondiale. On a tiré un coup, une balle à blanc, un blank qu'on appelle, donc on a tiré ça avec un pistolet et l'écho a duré, attention, 112 secondes. Wow! Presque 2 minutes. Incroyable. Continuons avec un artiste suédois, une artiste, Susanna Hesselberg, qui a construit une bibliothèque qui plonge dans une abysse infinie. Presque. Donc, elle est visible seulement d'au-dessus du sol. Et cette installation était très intrigante, oui. Parce qu'elle est marquée de façon très, très subtile. Et à partir d'une certaine distance, ça a juste l'air d'être un cadre qui est par terre sur le gazon. Aussitôt que tu l'approches, par contre, tu peux facilement voir que les livres descendent dans la terre. Je me demande premièrement comment ça a été fait, tout ça. Mais apparemment que c'est vraiment tridimensionnel et que ça va vraiment vers le bas. J'imagine que c'est pas complètement... ça peut pas être à l'infini, clairement, mais j'imagine qu'on a arrêté à un moment où c'était correct et qu'on voyait plus la différence entre le trou noir au fond et la démarcation. T'sais. Ça s'appelle « When my father died, it was like a whole library had burned down ». Donc là, ça s'appelle « Lorsque mon père est mort, c'était comme si toute une bibliothèque avait brûlé ». L'installation est par l'artiste suédoise, comme je disais, Susanna Hesselberg, a été creusée dans le sable d'une plage du Danemark avant la sculpture biennale Sculpture by the Sea Art Festival. C'est un festival d'art de sculpture, voilà. Shakespeare faisait intentionnellement des erreurs grammaticales pour attirer plus d'attention par son public. Avant certains points dans ses pièces de théâtre, la technique s'appelait « functional shift », donc un changement ou une translation fonctionnelle. C'était utilisé donc pour garder le cerveau bien allumé pendant la pièce de théâtre, donc des erreurs grammaticales. Si quelqu'un vous dit que vous avez fait une faute dans votre construction de phrase, moi, mettons, ben c'était aussi un « functional shift », clairement. Les conductrices femmes petites, les petites femmes qui s'assoient près du volant ont plus de chances de se faire tuer par un sac, comment on appelle ça? Un sac, là, gonflable. Bon. Donc les conductrices qui sont plus près du volant, parce qu'elles sont plus petites, plus de chances de se faire tuer. Wow. C'est triste quand même, c'est pas très très juste. C'est pas chouette du tout. Voilà pour deux blocs de C'est un fait qu'on s'est fait dos à dos dans la première heure de l'émission, même qu'on a crime passé ça vraiment vite, étant donné qu'on a commencé en retard un petit peu l'émission d'aujourd'hui. Je suis bien satisfait d'avoir avancé cette chronique-là. J'en avais mis beaucoup en réserve. Voilà donc, les liens sont sur assemblagerequis.com. On était en train tout à l'heure d'écouter des pièces du palmarès francophone, des nouvelles entrées, parce qu'on a un nouveau palmarès pour la semaine du 4 au 30 juillet. 2016, on a entendu deux pièces francophones tantôt, en voici une du côté anglophone en 20e place, c'est la formation Pop, voici DVP Assemblage Rocky au 89 FM, c'est fou. Just looking bleak and I said, sleeping's a formation montréalaise, non, torontoise, pardon, pop, avec la pièce DVD, nouvelle entrée, DVP, oui, quand même, fallait que je fasse une erreur sur le nom du band, sur la provenance du band et sur la pièce, pourquoi pas. Toujours assemblage requis, au retour, ça va être, ça existe, ça ne devrait pas, on l'a. Assemblage requis, toi aujourd'hui, assemblage requis. Vous êtes assez fous pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Assemblage pour toi aujourd'hui. Assemblage Rocky pour la semaine du 4 juillet 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin va être de retour la semaine prochaine. Elle a des vacances aujourd'hui. Juste avant la pause, j'ai fait jouer le groupe Pop. Il me semblait aussi que ce nom-là, Pop, P-U-P, me disait quelque chose. C'est le band qui s'appelait Topanga à l'époque. Donc, il y a quelques années, ils avaient décidé de se nommer Topanga, disent-ils sur leur site, parce qu'ils trouvaient ça nostalgique. C'était une des personnages principaux de l'émission Boy Meets World, ou en français, l'incorrigible Cory. L'émission est revenue sur Disney récemment avec une nouvelle série que vous connaissez sur Vrak TV sous le nom de Le Monde de Riley, donc Girl Meets World. Évidemment, ils veulent pas être associés à Disney et ils trouvent que l'émission est pas aussi bonne que celle d'origine, n'amène pas autant de nostalgie qu'ils auraient aimé. Donc, ils ont décidé de se débarrasser du nom Topanga pour s'appeler Pop. Voilà, PUP. Voilà qui est dit. Je disais tantôt que c'était le moment d'aller s'acheter des choses, mais avant ça, on a le temps pour une autre pièce musicale. J'ai envie d'entendre le plus de pièces du palmarès anglophone que possible, donc on s'en va entendre à la position numéro 19. C'est par Daniel Romano du côté anglophone. Voici Valerie Lyon tout de suite. Mathieu, pas au Mathieu Planchot, comment on appelle ça, cette émission-là? Assemblage rookie. Pas assemblage rookie comme une recrue, ni assemblage rookie comme le petit animal dans les dessins animés. Mais son âge rec. C'est ça. Really shouldn't not have, but I think I kinda got it since the second that I saw you. I've been weakening in the knees. But my baby's often busy and we probably shouldn't oughta come a-walking by the water just to talk and get to know you for the sake to make you fa-la-la-la-love me. But it's been saying dark as dawn. Is he going out of town or will he always be around? If we were ever to be found, he'd be a-coming after me. And she'll let everybody know, and so we probably shouldn't oughta, cause I think they might have saw ya, and they're gonna tell your father that we're planning to fall out. But let me tell you, pretty mama, I just really wanna make you fall la la la la la love me. But it's been saying dark. Everybody know that we were gonna make a go of you and me, my little pet. But the thrill we knew is gone, cause everybody played along and they're so happy for us, dear. And we're the couple of the year. I gotta get me out of here. I wish I never got to know you, and I wish that I could show you just how much I really love you. How I curse the day I made you fall la la la la la love me. But it's been saying dark. Since you've been around, Valerie Leon, Valerie Daniel Romano et la pièce Valerie Lyon, position numéro 19 du groupe anglophone. L'album s'appelle Moussi, toujours à Assemblage Requis. Maintenant, ben tiens, Colin, hein? Tu sais, comme on dit, ça me tente d'acheter des affaires. Je me sens dépensier en ce moment. Voici Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la collecte des choses qu'on achète sur Internet et qu'on regrette instantanément. On a plein de choses à acheter aujourd'hui. On va commencer avec... c'est une table à pique-nique qui est aussi une valise. Et tout ça est portatif. Lors de votre prochain pique-nique, vous allez pouvoir oublier votre serviette, votre petite couverture. Vous allez pouvoir amener à la place Portable Suitcase Picnic Table. Une table de pique-nique en bois portative et légère avec des sièges inclus intégrés pour 4 personnes. C'est compact, ça se plie en forme de valise pour sauver un petit peu de place, c'est facile à transporter. Donc c'est du bois high impact qu'on dit, des sièges renforcés, un cadre en aluminium alloy pour plus de durabilité. C'est parfait pour les pique-niques, parfait pour les petites fêtes dans la cour arrière, pour le camping, peu importe. Donc Portable Suitcase Picnic Table. Ensuite, pour ceux qui aiment les guimauves, hein, on reste dans le camping un petit peu, mais à la place de faire cuire des guimauves sur le feu, on va à la place tirer des guimauves avec ce gadget qui est le Marshmallow Crossbow. Hein? Marshmallow Crossbow. Donc, comme son nom suggère, en fait, son nom suggère un jouet pour enfants, mais non, son design moderne dit le contraire. Le Marshmallow Crossbow ressemble plus à quelque chose de d'adulte. Hein? C'est fait à la main à Vancouver. C'est fait en bois. Et avec une... comment t'appelles ça dans le tir à l'arc? L'arc en tant que tel est fait en acier. Et donc, ça tient les guimauves. Tu peux juste tirer et relâcher. Ça peut tirer jusqu'à 60 pieds de distance. Parfait pour le bureau avec les amis, peu importe. Ça va rendre votre environnement plus amusant en tirant des guimauves. Évidemment, le corridor de bois doit être nettoyé à l'avance. Hein, si vous voulez lancer ça dans la bouche à quelqu'un. Ensuite, c'est une question de pression quand on veut prendre sa douche en camping. Des fois, ça peut être difficile avec une hose ou quelque chose comme ça. Ça ne nettoie pas si bien que ça. Donc, ici, ce qu'on a, c'est une pomme de douche avec pression, mais c'est une pomme de douche portative. C'est le Rinskit Portable Sprayer qui n'utilise aucune électricité, aucune pile. Ça vous donne 65 PSI de pression à peu près n'importe où. Donc, vous allez remplir le compartiment de 2 gallons d'eau chaude ou d'eau froide, peu importe, au tiède, c'est vraiment comme ça vous tente. Et la vessie intérieure va garder donc l'eau sous pression et ça va être prêt à être utilisé quand vous en avez besoin. La pomme en tant que telle offre 7 différents paramètres. Donc, tu peux avoir un jet d'eau normale, tu peux avoir un petit massage, etc. Donc, ça va être facile pour toi de prendre ta douche pendant que tu fais du camping, rincer tes outils, tes équipements quand tu as terminé, peu importe. Ça peut envoyer un spray continu jusqu'à 4 minutes, mais ce sera peut-être pas avec la pression la plus élevée. Ça coûte quand même 160$, mais une bonne chose à avoir pour les gens qui aiment être à l'extérieur. Ça s'appelle donc le Rinse Kit Portable Sprayer. Ensuite, si vous voulez jouer un tour à un ami, peut-être que ça pourrait aller loin. Là. Je pense que si vous commencez avec ça, ça pourrait peut-être vous causer du trouble vous aussi. Mais si vous voulez que votre ami se fasse prendre pour un crime, entre guillemets, ça s'appelle le Frame a Friend Kit. À l'intérieur de cette boîte de bois, vous allez trouver des preuves incriminantes qui vont d'une balle de fusée utilisée à un gant en cuir one size fits all qu'on peut mettre donc toutes ces preuves-là sur une scène de crime supposée et peut-être faire prendre votre ami pour un crime. Évidemment, tout ça est complètement faux. Il n'y aura pas... Il n'y aura pas de son ADN là-dessus, c'est une fausse tache de sang et bon. Donc, ils ne seront certainement pas prendre pour un vrai crime, mais ça coûte 44$ US. Si vous voulez vous fiancer, une bague de fiançailles, ça peut être cher. Peut-être manquez-vous d'argent. Il vous faut cette bague de fiançailles en Lego. Hein? Rien ne dit je t'aime ou je n'ai pas d'argent. Comme cette bague de fiançailles Lego, c'est avec une brique Lego qui ressemble un petit peu à un bijou transparent, donc qui va sur le dessus de la bague. Ça peut être personnalisé avec une bague de plastique de différentes couleurs, des couleurs super fluorescentes, c'est quand même assez joli. Juste comme bague de geek un petit peu, 7$ américains pour cette bague Lego. Ensuite, on va parler un petit peu de nourriture, de boissons, hein? Vous aimeriez peut-être manger vos bulles, des bulles d'air, en fait. Des bulles de savon, on sait, c'est pas super bon au goût. Donc, Bubble Lick Edible Bubbles, on peut créer nos propres bulles mangeables à partir de nos boissons préférées. Donc, vous pouvez faire des bulles de jus, de liqueur, de margarita, de boissons énergisantes, de vodka et plus. Parfait pour des petites fêtes, des mariages, des barbecues, des événements, des peu importe. Hein. Vous allez pouvoir rendre vos cocktails un petit peu plus amusants. Ça vient en emballage de 6 bouteilles, chacun avec une baguette pour faire des bulles qui est incluse dans le couvercle. Donc, pour faire vos propres bulles avec vos propres boissons, c'est génial. Ça s'appelle le Bubble Lick. Toujours dans les boissons, c'est les Helm Glasses du designer Martin Jacobson. C'est des verres, des sphères en fait, des sphères pour boire. C'est scellé avec des stoppers de silicone en dessous et il y a une paille qui est insérée par le dessus, par le couvercle. Vous n'avez qu'à remplir votre sphère de votre cocktail préféré, les garnitures de votre choix, de sceller avec le stopper, de virer à l'envers, insérer la paille, vous allez pouvoir savourer votre drink dans un contenant assez original, parfait pour les mojitos, limonade, sangria et tout type de breuvage aux fruits, entre autres. Ça empêche les insectes d'entrer dans votre verre. Et donc, c'est ça, vous avez juste l'air de boire dans un genre de contenant, je dirais, tu sais, des petits des trucs que tu brasses, qu'il y a de la neige qui se fait dedans. Donc, ça ressemble vraiment à ça. Le stopper ressemble à un bouchon presque de liège, mais c'est en silicone, comme on disait. Et la paille sort par en haut et les bibittes ne devraient pas pouvoir entrer par ça. C'est joli, très mignon, original pour boire vos boissons. Ensuite, aussi très original pour le bureau, pour impressionner la galerie, des plantes qui lévitent pour votre bureau. Donc, c'est le Life. C'est un système pour faire pousser les plantes zéro gravité qui permet de cultiver vos plantes préférées dans les airs. Un ensemble d'aimants dans la base et dans le pot géodésique vont faire littéralement flotter vos pots dans les airs. Ça va tourner, ça va exposer la plante à la lumière du soleil de tous ses côtés. Il faut le brancher dans le mur. Ça tourne pas tout seul. Hein? Achetez un de ces trucs-là et ça va venir avec sa propre air plant. C'est un type de plante qui ne demande que la lumière du soleil et de l'eau pour pousser. Donc ça absorbe les éléments nutritifs de l'air à la place de par les racines. Le pot basé à base de silicone, oui. Un réservoir pour empêcher de mettre trop d'eau. Ça coûte 199$. C'est une promesse que vous faites sur... Est-ce que c'est Kickstarter? C'est Kickstarter en effet. Donc ça s'appelle... Encore une fois, le Life, L-Y-F-E. Très joli, quand je dis géodésique, là, c'est vraiment comme un genre de polygone. Vraiment super mignon. Le bloc est en bois, tout ce qu'il y a de plus classique, mais en tant que tel, le pot est vraiment plus beau. Et les plantes, c'est vraiment au choix. Sinon, aux États-Unis et en Europe, c'est avec la Air Plant, parce que c'est plus pratique à shipper, j'imagine, si vous êtes aux États-Unis ou en Europe. Ensuite, vous allez en camping. On a parlé de camping tantôt. Vous voulez vous laver et vous n'avez pas la douche à haute pression de tout à l'heure. Il vous faut les Pocket Shower Wipes. Pour garder au propre, même quand il n'y a pas d'eau de source. C'est une serviette humide, comme les serviettes humides qu'on utilise pour les fesses là, ou pour bébé. Hein? Sauf que c'est de la grandeur d'une serviette de plage. Ça contient des huiles antibactériennes. Et c'est fait de bambou 100% biodégradable. Ça s'appelle donc Epic Wipes. Les serviettes Epic Massive Wet Wipe. Parfait pour les sports, l'armée militaire, les urgences, médecine et les environnements extérieurs. C'est jetable. 14$ par serviette. Je sais quoi? On va aller voir sur Kickstarter un petit peu. Ouais, Kickstarter, c'est un petit peu compliqué. Là. Si tu donnes 2$ ou plus, c'est un livre électronique. 14$ ou plus, 4 serviettes emballées individuellement et le livre électronique, etc., etc. Donc, c'est sur Kickstarter. Epic Wipes. Toujours en camping ou à l'extérieur, peu importe, c'est le Fat Boy Lamzek. C'est un genre de hamac ou un meuble extérieur, un lounger, une chaise longue presque, mais gonflable instantanément. Donc le Fat Boy Lamzek, instantanément gonflable, ça va. Donc vous avez simplement à. C'est rempli en fait par. On a qu'à le flatter, c'est ça? Swiping it through the air, oui, on l'envoie. En flattant l'air comme ça dans les airs et on va boucher un côté. Donc ça va prendre l'air et ça va remplir le sac d'air dans le fond. Une fois que c'est gonflé, le coussin en nylon peut supporter jusqu'à 440 livres. C'est résistant à l'eau aussi. Parfait pour la cour arrière, la plage, festival, pique-nique, devant la télé, peu importe, n'importe quoi, on peut amener. Quelque chose d'assez gros quand même. Le Fat Boy Lamzek. Bonne idée, la vidéo vous montre comment ça fonctionne sur assemblagerecu.com, mais bon, c'est comme... ça prend l'air. Hein? Ensuite, pour les toilettes, Quand vous êtes à la salle de bain et vous avez envie de faire quelque chose, les magazines ne sont plus tellement à la mode. Il y en a qui vont avoir un livre à la salle de bain, d'autres utilisent leur téléphone cellulaire. Donc, utilisez votre temps pour faire des sports un peu avec le Toilet Basketball Set, qui inclut évidemment le cerceau, le truc accroché sur le mur, un tapis qui va devant la toilette, ainsi que une petite canisse, un petit contenant pour mettre les ballons de basketball près de votre toilette. Donc vous allez toujours avoir accès à vos ballons pour tirer ça et vous mettre ça à peu près n'importe où. Donc 18$ environ américains pour ça. Maintenant pour les drogués, tiens, pour garder votre doobie ou peu importe votre joint en condition parfaite jusqu'à ce que ce soit le moment de l'allumer avec un étui en cuir pour un seul joint. Hein? Donc à l'intérieur de cuivre, brass, non cuivre c'est copper, brass. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est un genre de métal. Donc, intérieur en genre de métal, avec du cuir à la mode, super, super vieilli à l'extérieur pour que votre joint reste droit, hein, et pas cassé. Quand vous êtes sur la route, ça coûte 28$ pour juste un seul, et c'est un porte-clés aussi, donc une petite chaîne au bout pour le mettre sur votre porte-clés. Brass étant, bien sûr, du cuivre. Je l'avais dit tantôt, c'est quoi copper d'abord? Il me semble que c'est cuivre aussi. Peut-être qu'il y a deux mots pour cuivre. C'est aussi du cuivre. Ben, Colin, je connais pas la différence entre du brass et du copper. Ensuite, c'est une lampe qui fonctionne avec votre téléphone cellulaire. En fait, c'est une lampe, sans lumière à l'intérieur. C'est une lampe qui va sur le côté de votre lit, donc sur votre petite table de chevet, avec votre compagnon au lit. C'est disponible en 4 couleurs différentes. Ça fonctionne par clap, donc... hein, et par mouvement aussi, pour faire baisser la lumière et la monter. Ça illumine autour de vous, ça va illuminer en fait la lumière LED de votre téléphone cellulaire et ça peut même vous aider à vous endormir après 30 minutes ou sans mouvement si ça ne détecte pas de mouvement autour. Donc vous comprenez que le téléphone va dans un petit socle autour de la lampe en fait. On dirait plus un abat-jour qu'une lampe. L'aspect lampe est vraiment très très petit sur la table. Le téléphone est imbriqué à l'intérieur avec le fil qui passe en arrière dans le mur et qui vient se brancher dans le téléphone et la lumière LED. Est à l'arrière du téléphone et va illuminer l'intérieur de la lampe. Allez voir la vidéo de démonstration, ça coûte 55$ américains. Ensuite, c'est un réfrigérateur qui va dans le sol. Dans le fond, c'est une version 28e siècle du classique réfrigérateur extérieur qu'on avait dans le temps. Excluant la personne qui parle. Hein, avec un escalier intérieur. Oui, l'escalier est à l'intérieur de ça et tu peux sécuritairement descendre dans le réfrigérateur. C'est la capacité, en fait, de 6 réfrigérateurs, assez pour mettre le contenu de 2600 pieds carrés. Wow! Vous pouvez mettre absolument énormément de choses. Évidemment, il va falloir creuser. C'est un petit peu comme une piscine dans la terre. Là, on va devoir faire un creux, pour venir insérer la bulle. Parce qu'on peut voir, il y a un plan sur assemblagerequis.com. Il y a même une photo de quoi ça a l'air quand c'est pas installé. Mais c'est comme une genre de sphère. Et la sphère a une petite sortie en forme de réfrigérateur. Et après ça, une porte. Donc la sphère et la porte sont insérées dans le sol. Évidemment, tout ça pour la modique somme de 16$ américains. Allez voir la vidéo de présentation et des photos d'une cave à vin qu'on pourrait faire avec ça aussi. Il y en a qui mettent des légumes. On peut mettre à peu près n'importe quoi qui doit être tenu au froid. Ensuite, pour les alcooliques de ce monde, c'est une flasque de plastique scellable. Vous pouvez amener votre boisson à peu près n'importe où sans faire aller les détecteurs de métal avec cette flasque de plastique scellable approuvée par le TSC, donc c'est jetable. On peut mettre jusqu'à 3 onces d'alcool ou de peu importe le breuvage qui n'est pas pétillant. À l'intérieur, ça fonctionne avec batterie pour... attends un peu. Battery Powered Heat Cellar qui va garantir un saut à l'épreuve des fuites. Des batteries pour ça. Ah oui? Eh bien. Donc allez voir assemblagerequis.com. Encore une fois, photos et vidéos de démonstration. On peut mettre ça dans notre poche. Super simple, 24$ américains. Ensuite, celui-là, je me rappelle avoir fait allusion à ça. Je me rappelle pas en avoir parlé spécifiquement et vous avoir donné le lien, donc j'en reparle. C'est le Below Cabinet Kitchen Vacuum. Donc ça s'installe en dessous de votre set d'armoire, en dessous de votre... peu importe, les armoires du bas. Ça va complètement au plancher, si on veut. Et c'est ça aspire tout le temps. Donc quand tu passes ton balai, c'est fait pour aspirer les déchets. Vraiment cool. Donc facile de garder vos planchers bien propres. L'aspirateur s'installe directement et discrètement en dessous de vos armoires, sans prendre aucun espace de plus. T'auras pas à te pencher avec un porte-poussière. Ça coûte seulement, je trouve pas ça cher, 180$. J'imagine que tu peux retirer le compartiment pour enlever les déchets et les jeter à un moment donné. Il va quand même falloir que tu te penches une fois de temps en temps. Mais d'ici à ce que le compartiment soit complètement rempli. C'est sûr qu'il faut brancher ça dans le mur et j'imagine, je sais pas, ça dit pas dans l'article. J'imagine qu'il y a un détecteur de mouvement. Je peux pas croire que ça aspire en permanence. On va aller voir un petit peu sur Amazon ce que ça dit. Ça dit que ça réduit... Oh, les affaires changent tout le temps de place sur Amazon. Ça réduit votre... ça réduit le mouvement. Hein? Pas de perte d'espace. Ça garde vos poils de chat d'animaux de compagnie sous contrôle. Pas d'aspirateur central requis. C'est self-contained, donc ça fonctionne seulement par lui-même. Installation facile à faire vous-même et sans maintenance. Système révolutionnaire qui élimine la poussière. Suction puissante. Enlève la poussière en quelques secondes. Les saletés. Design moderne. Blablabla. Eh ben, ça ne dit pas s'il y a des retards de mouvement. J'ose espérer que c'est pas en permanence. Ensuite, ceux qui veulent traîner leurs enfants avec leurs valises, mais là, à un moment donné, tu manques de main. Valise enfant, qu'est-ce que je fais? Bon, je laisse l'enfant à la maison, je fais mes valises, ou je fais moins de valises, je mets mon enfant. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu peux faire les deux avec la Ride-On Carry-On Suitcase. Une valise avec un siège intégré pour les petits enfants. Pour rendre vos voyages plus faciles, ça vient avec une chaise qui se déplie et qui va donner instantanément à vos petits un endroit confortable pour se reposer tout en entrant dans les espaces qui vont par-dessus la tête, les espaces, les soutes à bagages qui sont au-dessus de la tête. Donc ça rentre là-dedans. Cher, je trouve, pour du bagage comme ça, $400 américains. Je trouve ça cher pas mal. Là. Mettez votre enfant sur votre dos, là. Aspire. Il existe maintenant une figurine de, tu sais, le bonhomme, là, Léonard de Vinci, là, avait dessiné ça. Là, ben, j'imagine qu'il l'a dessiné, mais en tout cas... Oui, c'est lui qui l'a dessiné. Bon. Donc, en 1490, Léonard de Vinci avait dessiné le Vitruvian Man. Donc, c'était le corps idéal, les proportions idéales suggérées par l'architecte Vitruvius. Donc, le design montrait deux hommes superposés avec les bras bien étirés à l'intérieur d'un cercle de carré. On a tous vu ça, c'est iconique, tout le monde connaît ça. Et maintenant, on peut aussi jouer avec la figurine de Vitruvian Man, fabriquée par la compagnie Figma, c'est une compagnie japonaise qui fabrique aussi la célèbre Vénus de Milo et le David de Michel-Ange. C'est un petit peu particulier parce que la figurine a littéralement quatre bras, quatre jambes, mais quand même, ce serait pas l'homme de Vitruvian s'il n'avait pas autant de membres. Ça coûte $60 américains. Cher payé, mais c'est sur son propre socle transparent, joli, et on lui voit le pipi. Un seul pipi, par contre. Ensuite, ceux qui veulent faire recharger leur téléphone cellulaire récent, genre iPhone, en fait, peu importe lequel, mais par USB, mais qui n'ont pas de mur ou de prise de courant pour le charger, qui n'ont pas de petit, tu sais, des trucs que tu peux craquer ou des trucs de voiture, ils veulent en fait pouvoir le charger en tout temps, leur téléphone. C'est la salle Solar Powered Charging Hat. Donc, une casquette qui fonctionne par l'énergie solaire, oui. Donc, augmenter la vie de votre appareil portatif sur la route avec cet appareil qui est disponible en plusieurs couleurs, très, très fluo et en noir aussi. C'est une casquette avec une palette qui, elle, a des trucs solaires dessus. Donc, vous branchez votre appareil USB à l'arrière, sur le côté, vers l'oreille. Vous branchez l'USB là et ça recharge votre appareil. Et vous avez l'air à peine fou en ayant un fil USB qui sort de votre tête. $69 américains. Allez voir, il y a une vidéo de démonstration aussi sur assemblagerequis.com. Ah, maintenant, on veut garder son poulet au chaud. Danny Janvier, animateur du Dîner de con, animateur assez fou en temps normal, l'automne et l'hiver, a des poulets à la maison. Peut-être cet hiver ou cet automne, quand il va faire un petit peu plus froid, va-t-il vouloir se procurer ce Chicken Turtleneck Sweater. C'est un sweater col roulé pour les poulets, pour garder votre volaille bien au chaud, bien confortable. C'est lavable à la machine, c'est crocheté, est-ce qu'on dit ça? C'est fait au crochet à la main, en utilisant de la laine de coton 100%. Et ça peut être personnalisé pour s'assurer de fonctionner parfaitement sur le corps spécifique de votre poulet. Tout ça pour seulement $16 américains. C'est sur Etsy, évidemment. Où est-ce que ça pourrait être si c'était pas sur Etsy? Ça peut être envoyé depuis les États-Unis vers certains pays. Donc, est-ce que le Canada, on va aller voir sur Etsy? Non, malheureusement. États-Unis, Australie et Union européenne. Mais je vous ai parlé il y a quelques semaines. C'était la semaine passée ou l'autre avant d'un service qui vous permettait d'envoyer aux États-Unis et de le récupérer au Canada. Donc, il n'y a plus d'excuses. Maintenant, Captain America a sa propre ligne de barbell. Tu sais, les trucs là, qu'on doit soulever pour se faire des muscles. Donc, c'est un manufacturier d'équipement de fitness en it qui a préparé la sortie d'équipements d'entraînement qui sont officiellement sous licence de Marvel. Ça va sortir plus tard cet été. Ça s'appelle The Hero Elite Series. Pour commencer, on va avoir donc des barbells de Captain America qui va venir en différents poids, 25, 35 et 45 livres. Iron Man est aussi sur le site web de la compagnie, donc on s'attend à ce qu'il y ait des bonnes chances que le personnage de Iron Man soit aussi en vedette. Voilà, c'est pas mal ça, je pense. Donc des barbells de Captain America, pourquoi pas. Ça, c'est vraiment cool. Tantôt, on a parlé de piéger vos amis pour qu'ils se fassent prendre pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Je trouvais ça un petit peu bizarre quand même. Dans ce cas-ci, c'est un petit peu plus sympathique, je trouve. C'est un jeu, okay, pour commencer. Voilà, donc un jeu mystérieux, ça s'appelle le Mysterious Package. C'est un voyage dans une réalité alternative sombre où on s'inscrit à la Mysterious Package Company. Vous allez recevoir une série de paquets, de colis contenant des articles comme des photos, des lettres écrites à la main, des artefacts, tout ça qui va raconter une histoire unique à chaque fois. Non, c'est pour participer à un jeu qui est particulier, en fait, un jeu spécial. Vous vous sentez comme si vous faisiez partie de l'histoire. C'est comme un genre de meurtre et mystère. Donc, 190$ US pour jouer à ça. Vous voulez faire une attrape encore? Vous voulez faire la journée de quelqu'un, en fait, en remplissant leur espace de travail ou leur maison, leur appartement, de l'odeur délicieuse des pets? Ça s'appelle le Bag of Farts. Aussitôt que vous ouvrez le sac, l'arôme puissant et profond d'un pet sera relâché dans l'air. Ça va donc être le gag parfait pour un ami ou un collègue de travail. Ça dit 100% puant, 100% hilarant et 100% génial. Pour 7$ américains, ça s'appelle le Bag of Farts. Vous voulez aller faire le lavage, mais vous voulez avoir un petit peu plus... vous voulez être plus original un peu. Vous voulez arriver avec votre sac de lavage et tout le monde vous regarde, t'sais. Donc, rendez la tâche plate mondaine, si on veut, de laver vos vêtements. Rendez ça un petit peu plus amusant en transportant vos vêtements sales dans ce sac take-out qui ressemble, en fait... c'est un sac de lavage, mais qui ressemble à du take-out chinois. Donc, ça ressemble, tu sais, vous connaissez l'emballage de carton qu'on peut défaire en assiette. Hein? Bon, c'est comme un petit peu en pente, large en haut, plus court en bas. Et tu as même de la place pour mettre dessus un X sur vêtements sales, vêtements propres ou vêtements autres. Et c'est écrit laundry en caractère semi-asiatique, si on veut. Avec à l'avant, à la place d'avoir des mèches chinois, tu as un panier de linge sale. Avec même les petits symboles à côté pour dire que c'est du linge sale, qu'il y a des mouches. 25$ pour ça. Quand même cute. Pas sûr que moi, je voudrais attirer un regard quand je vais faire mon lavage. À la buanderie du coin, c'est bon. Ensuite, pour terminer ce premier bloc, c'est le subwoofer portatif, en fait, portable comme dans sur votre corps. La bass, c'est toujours quelque chose d'important dans la musique. Il y a des gens qui mettent leur bass au max. Donc, Sony's Mega Bass. Non, pardon, pas ce tout. On disait que Sony's Mega Bass aidait dans le temps. Mais maintenant, on a le Basslet Wearable Subwoofer qui promet de livrer plus de bass encore. De nouvelles façons, ça utilise une boîte qui est entre vos écouteurs et la prise de votre téléphone cellulaire ou autre lecteur de musique pour envoyer des fréquences faibles dans un carré noir qu'on porte au poignet. Ça utilise la technologie haptique pour vous permettre de sentir la bass dans votre musique. Donc c'est comme un bracelet qui vous fait sentir la bass dans votre corps, dans votre bras. Le résultat, c'est comme si vous étiez à l'intérieur d'un gros moniteur dans une salle de spectacle ou à l'extérieur, peu importe, et sans avoir à l'avoir dans vos oreilles, donc sans la perte d'ouïe potentielle. On peut le précommander sur Kickstarter pour 150$. Évidemment, comme je dis la plupart du temps, Kickstarter, tu ne précommandes pas littéralement, mais tu promets ton argent au vendeur qui va peut-être éventuellement faire le produit. Donc faites attention, ce n'est pas un magasin, Kickstarter. Alors, ça s'appelle le Basslet. C'est comme un jeu de mots avec bass, bracelet. Le Basslet. Un subwoofer portatif pour votre corps. Je trouve ça vraiment cool comme idée. Voilà pour le premier bloc de la chronique « Ça existe, ça ne devrait pas, on l'a ». Je vous ai promis, en fait, je ne l'ai pas promis, j'ai promis à David Ferron, auditeur fréquent de l'émission, aussi animateur de l'émission « Palmarès du monde » en saison automnale et hivernale. Et il m'a fait une demande spéciale. L'artiste, il l'a déjà reçu en entrevue à son émission « Palmarès du monde ». Bien sympathique, jeune garçon. Je me rappelle, j'étais dans le studio, c'est moi qui ai pris les photos, bâtard, hein. Il est vraiment cool, il s'appelle Dreddy. Hein? L'album s'appelle « Si ce n'était que pour l'amour ». On écoute la pièce « Boom Blast » tout de suite à Assemblage Requis sur 6. Ta radio, comment DJ monte le son dans ta radio. Radio, pas de combine, Mr. DJ s'il te please. C'est le temps pour moi d'attirer la jante féminine des plus coquines. Faire tous les body bouger et danser. C'est dans ma poche, moi je dois tous les faire cadencer. Pour que les sélecteurs puissent bien s'ambiancer. Pas de gimmick, pas de complications névrosiques que j'ai la forme. Belle gueule pour réaction épileptique, charismatique. Pour une connexion des plus éclectiques, énigmatiques. Marchand de rêve que la foule acclame. Le showbiz programme et la scène proclame. Un peu d'attitude, pas besoin de con, pas de oh. Pour les sceptiques, pomper, pomper, pomper, pomper ton station la rythmique. Pour l'hégémonie, pas de limite pour le crédit. Pour ces mélomanes, tombeur de ses fans, DJ juste booste ma flamme. Boom, blast dans ta radio. Comme mon DJ, mon leçon pour le dance floor. Ready, now ready, tout le show pour le hit flow. Moi je veux juste mettre un peu de style dans ta radio. Comme mon DJ, ma leçon dans ta radio. Boom, blast dans ta radio. Comme mon DJ, mon leçon pour le dance floor. Ready, now ready, pour le show pour le hit flow. Moi je veux juste mettre un peu de style dans ta radio. Comme mon DJ, ma leçon dans ta radio. Radio. Click, click, c'est la voix radiophonique. Peur des critiques ne font que mêler mélodramatique. Danger, danger pour la voix publique. Peur des paniques qui cadrent avec atmosphère chaotique. Cause à effet, résultat d'un son arythmique. Pas besoin de, pas besoin de oh. Pas besoin de quoi. Pas besoin de parasites qui s'enflent à l'arithmétique. Pas besoin de cons qui ne sont plus qu'endémiques. Sur le son je m'installe, faut que je m'en sorte, je m'installe. Sur le MIC, je pose ma vie, je réclame. On est en affaire pour faire de l'oseille. Battre de mes ailes, voler grave. Au bout de mes rêves, on peut faire la paire. On les crame, inonder les ondes sur la bande FM. Come on DJ, play my shit on the radio. Un peu de style dans ta radio. Comme on DJ, ma leçon dans ta radio. Oh, oh. Boom, blast dans ta radio. Comme on DJ, ma leçon pour le dance floor. Ready, now ready, pour le show, pour le hit floor. Moi je veux juste mettre un peu de style dans ta radio. Comme on DJ, ma leçon dans ta radio. Oh, oh. Oh oui, ça c'est vraiment estival. C'était Dread avec la pièce Boom Blast sur l'album Si ce n'était que pour l'amour à Assemblage Requis. Demande spéciale de David Ferron que vous pouvez écouter à l'automne et à l'hiver dans l'émission Palmarès du Monde. Cette émission va revenir bientôt. En tout cas, je pense que ça pourrait être d'ici la fin de l'été, mais on va voir. On va voir. Autour de la pause, deuxième partie de Ça existe et ça ne devrait pas là. Aujourd'hui. Du 4 juillet 2016, je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin va être de retour la semaine prochaine. Elle est en vacances aujourd'hui. En fait, je dis vacances, mais elle est à son autre rendez-vous pour sa gorge. Ça s'améliore pour son affaire. T'sais. Elle va voir un ORL comme ça chaque semaine. C'est comme une date, mais sans l'être. Bref, dans quelques instants, comme j'ai dit, on va continuer à acheter d'autres trucs dans 5-6 ça ne devrait pas là. Avant ça, par contre, j'avais envie d'entendre une autre pièce du palmarès anglophone, francophone, pardon, même si le band a un titre, un nom en anglais. C'est du francophone, selon ma feuille. C'est la pièce Entre tes mains. Voici Artifice Palace à Assemblage Requis. Flottant toujours dans la tête. c'était Artifice Palace. Avec la pièce Entre tes mains sur l'album Rusty Flowers à Assemblage Rocky. Tantôt, on est en train de s'acheter des gadgets et je réalise que j'ai pas encore atteint ma limite de crédit. Voici ça existe, ça ne devrait pas, là. Ça ne devrait pas. On l'a, la chronique, on achète des choses sur Internet et calling qu'on commence kinky. Ce coup-ci, ça n'a pas d'allure. Avec un savon pour vous nettoyer l'entrejambe masculin. Vivez donc un tout nouveau niveau de propreté en donnant à votre unité masculine un bon nettoyage avec ce savon pour le pipi. Oui, oui, un design qui est apparemment one size fits most men. Hein? Donc, on insère son engin dans cette espèce d'anneau. On dirait... Faudrait une bouée de sauvetage, plus qu'un bang, c'est un bang le truc quand même petit, là, donc une bouée de sauvetage, un gros rond dedans pour mettre ton engin. Je trouve pas que ça a l'air énorme, mais tu sais, y'a rien pour y a rien à côté pour me mettre à l'échelle. Il me semble que ça a l'air petit, justement. Donc c'est par la compagnie Big Mouth Toys. Ça dit caution, avertissement. If the wiener cleaner ever becomes stuck, soak area with cold water. Ça a du sens. Si le wiener cleaner est pogné, il faut tremper la place atteinte dans l'eau froide. On sait que l'eau froide fait rapetisser l'engin, hein, quand même. L'hygiène personnelle n'aura jamais été aussi stimulante, dit leur slogan. Grand, petit ou entre les deux, rien ne bat le Cleaner Wiener. Wow! 5,77$ américains pour ce superbe savon pour l'entrejambe masculin. Maintenant, vous avez toujours rêvé d'être vous-même un burrito. J'imagine, hein, je pense que tout le monde a vécu ce rêve-là. Donc, vous pouvez devenir vous-même un burrito avec cette serviette en tortilla. La Tortilla Towel, c'est donc une grande serviette intérieure-extérieure avec un imprimé de tortilla de farine, tortilla à la farine, oui, photoréaliste. Vous pouvez aller voir la vidéo sur assemblagerequis.com pour voir qu'en fait, tu peux faire un paquet de plats mexicains avec tortilla. Pas besoin de juste faire des burritos. Ensuite, une ligne de sacs pour le voyage, en fait, Travel Tote, tu sais, les petites sacoches, les grands sacs de voyage, mais cette fois-ci qui fournit du vin, en fait 5 litres de vin. Donc, on a déjà vu d'autres sacs de vin qui contenaient peut-être 28 onces. Ici, celui-là a 5 litres, qui est beaucoup plus. Et en plus, il est quand même beau. On peut transporter donc l'équivalent de presque une boîte de vin, Colin, sans la boîte. Vous devez juste à sortir votre vin et le mettre dans le contenant, dans le sac. En fait, vous sortez le sac. Et, en fait, il y a comme un sac dans le sac. Comme, et là, tu retires le sac, tu remplis ça de vin, tu remets ça dans le sac. Tu peux le remplir évidemment de d'autres choses que du vin. Tu pourrais le remplir avec un cocktail. Ça finirait peut-être par coûter cher pour en faire 5 litres, mais bon. Et il y a même un cold pack à l'intérieur pour garder le tout au froid. Il y a des poches aussi pour mettre d'autres choses. C'est quand même un sac de voyage. Et ça peut fonctionner comme une sacoche aussi. L'article dit qu'on devrait faire un attachement avec une paille. Effectivement. Peut-être pour l'amener au cinéma. Ça, j'avoue qu'au cinéma, ça passerait totalement inaperçu. Il n'y a personne qui va vous voir avec ça. Et la petite paille pourrait être super rétractable. Pourrait même faire partie de la... la poignée. Oui, hein? La poignée de la sacoche. Ensuite, pour les gens qui aiment ça être vraiment confortables dans leurs souliers, leurs pantoufles, leurs sandales, voici qu'arrivent des sandales faites avec du gazon. En fait, c'est du faux gazon. Vous savez ce que c'est, avoir le gazon entre les pieds, c'est quand même assez rassurant, c'est assez confortable. Donc, ici, on a pris des sandales et on a mis un faux lit, une fausse, pas une semelle, mais l'intérieur du soulier. En gazon, du faux gazon, bien sûr. C'est supposé imiter le gazon fraîchement taillé entre vos orteils pour ressentir la nature sans avoir à passer la tondeuse. Donc, les Synthetic Turf Flip-Flops sont disponibles en grandeur pour enfants et pour adultes. Coûtent entre 20 et 40$ par paire sur Amazon.com. Moi, je suis absolument pas capable, absolument jamais été capable de porter des sandales qui sont faites avec un Y et qui doivent aller entre les orteils. Tu sais, complètement entre les orteils, entre le pouce et l'index. Pas capable de porter ça, donc jamais j'achèterai ça, mais j'aimerais pouvoir ressentir le gazon sous mes pieds. Ensuite, on parle souvent de petits fours pour faire cuire de la pizza à l'extérieur en camping, mais ici c'est un poêle, un four, un fourneau pour faire chauffer votre pizza, mais en plus pour recharger votre téléphone. Ça s'appelle le Pizza Dome. Donc c'est un four portatif de BioLite avec un thermomètre intégré pour surveiller la température. Ça va même s'assurer de la cuisson égale Hein? Donc, il y a une pierre de céramique pour préserver l'aspect croustillant. Et pour, on peut utiliser le dôme aussi comme couvercle traditionnel pour accélérer le processus. Ce qui attire le plus, par contre, selon le marketing du produit, c'est qu'on peut charger les téléphones cellulaires, mais par la chaleur produite par le feu. Donc, vraiment un must pour ceux qui sont à l'extérieur et qui ont besoin de connecter quand même au monde réel. C'est donc la chaleur du four qui fait que votre téléphone est rechargé. On a parlé il y a quelques semaines d'une brosse à dents qui pouvait vous filmer à l'intérieur de la bouche pour streamer ça un peu comme sur Twitch. Ici, c'est une brosse à dents intelligente qui promet d'accélérer le brossage. Pourquoi pas? Donc, personne aime brosser ses dents. C'est quelque chose qu'on est obligé de faire, ou en tout cas, qu'on nous conseille de faire. Moi, je le fais tout le temps, mais bon, si vous pouviez accélérer le processus, peut-être que vous auriez plus envie de le faire. Hein? De mettre un bâton de plastique dans la bouche. Donc, les gens chez Glare Smile ont quelque chose pour vous. C'est trois brosses qui ont de la pulsation et qui tournent sur elles-mêmes. On a simplement qu'à glisser la taille de la brosse à dents sur les dents sans avoir à brosser. Ça s'occupe de tout en tant que tel. Donc, ça va nettoyer trois surfaces en même temps. Ça va accélérer le processus de façon significative. Il y a un écran tactile sur la poignée qui permet de changer de mode. Il y a le mode dents sensibles, le mode nettoyage des gencives et plusieurs autres. Les têtes sont changeables, ce qui veut dire que plusieurs personnes dans la maison peuvent s'en servir. Le dock de chargement, donc le petit socle, va garder tout ça bien propre sur votre lavabo, sur votre comptoir si vous en avez un. La connectivité pour le téléphone cellulaire va aussi surveiller votre brossage. Ça va analyser le tout, ça vous permet de savoir bon combien de temps vous êtes brossé, la pression que vous avez appliquée, un paquet d'autres variables pour les amateurs de données. C'est quand même raisonnable, à environ 112$ américains pour avoir votre propre brosse à dents, et ça devrait être envoyé en décembre, c'est quand même loin, décembre 2016. L'étui est complètement 100% biodégradable, écran tactile de 1,77 pouces, torque control intelligent, système de désinfection par lumière LED, plein d'autres petites fonctionnalités comme ça. Et le chargeur, en plus, est en micro USB, donc vous pouvez même prendre votre chargeur de téléphone Android pour le faire charger. Ensuite, tout le monde déteste Donald Trump, je pense, à part 50% des États-Unis. Je pense que le reste du monde au complet n'aime pas Donald Trump. Donc peut-être voulez-vous le frapper, hein? Autant qu'une top modèle avec l'air bête, comme on dit dans le précédent bloc. Donc donnez à Donald Trump, Colin, une petite idée de comment de votre façon de penser, tiens. En achetant votre piñata Donald Trump, il est évidemment habillé en habit super classe. Et on dit que ça peut contenir jusqu'à 5 livres de bonbons. C'est donc la piñata Donald Trump à 35$. Pif paf, balaboum balabing. Hein? On a tous une cible qu'on aimerait pouvoir frapper. Certains Donald Trump, certains d'autres. Ensuite, une bouteille d'eau qui fait tout sauf se remplir toute seule. Hein? Saviez-vous que vous pouvez augmenter le volume de votre haut-parleur de téléphone cellulaire en le mettant dans un verre vide? C'est un fait qui n'a absolument rien à voir avec le gadget, mais qui est écrit dans l'article. Et comme je suis un singe animateur, je lis si c'est dans l'article, ça. Je l'ai lu, c'est dans l'article. Donc, on peut acheter Hydra Smart Bottle de chez ThinGeek, qui fonctionne comme haut-parleur et Bluetooth 2.1. Radio FM, wow! Crème cool, écoutez, c'est fou là-dedans. Speakerphone, générateur de white noise. Ça relaxe certaines personnes. Lumière d'urgence et lumière pour... ça dit party light. Lumière pour faire la fête, je sais pas. Donc, battery pack à l'intérieur pour charger votre téléphone cellulaire comme tous les gadgets du monde. Compartiment caché pour vos clés. Et même un ouvre-bouteille si vous voulez boire quelque chose d'autre que de l'eau. Et ça peut contenir 20 onces de liquide. Donc, plus de choses que bien d'autres gadgets. Pour une bouteille d'eau, c'est quand même impressionnant. Donc, ça s'appelle la Smart Bottle. Bon. Ensuite, tiens, justement parlant d'eau, si vous voulez abreuver votre chien, ouais, en lui offrant de l'eau dans son cou, avec un collier pour chien, c'est le Growler Dog Collar Waterbowl. Hi-ha! Donc, grâce à leur forme, les bols d'eau sont pas super portatifs, mais avec le Growler Dog Collar Waterbowl, vous pouvez voyager léger en permettant à votre chien de traîner sa propre eau, Colin, qui se débrouille à un moment donné. Donc, le Growler est fait de nylon Cordura lavable à la machine. Super heavy duty. Ça vient en petit et en grand pour aller avec différentes statures de différents chiens. On peut le déclipser, le dézipper, le déplier pour avoir un bol d'eau en quelques secondes à peu près n'importe où. Il y a aussi de la place pour mettre une laisse et un sac pour les déchets qu'il créera plus tard dans une petite poche à zip. Hein? Génial. Ensuite, ceux qui aiment faire de la batterie, récemment dans mon bloc, j'ai juste un bloc de comme 4 appartements. C'est super un petit bloc et je m'attendais pas à avoir un voisin qui joue de la batterie. Mais il est possible que ça, il joue à peu près une vingtaine de minutes par jour, mais c'est quand même supportable. C'est genre dans le milieu de l'avant-midi. Je me dis, bon, tu sais, peut-être qu'il travaille d'après-midi ou de soir, je sais pas pourquoi. Il y a des temps libres, il joue à batterie. Au moins, c'est pas samedi matin, tu sais. Peut-être pourrait-il faire un petit peu moins de bruit en achetant le Air Drumming Percussion Instrument pour perfectionner votre technique de percussion sans recevoir de plaintes de vos voisins. Hein? C'est compatible avec, compatible avec Windows et Apple, et c'est portatif assez pour être amené à peu près n'importe où. Donc le gars a sur ses pieds des genres de bracelets de pied, si on veut, avec un petit gadget dessus, et il y a des bâtons dans les mains. Je sais pas qu'est-ce qui est raccordé à Windows, mais j'imagine que ça doit faire du bruit dans ton ordinateur pour te dire que t'es ça en note ou que tu fais ça correctement. Tout ça pour un prix quand même raisonnable pour un gadget comme celui-là de 200$. J'imagine que c'est pas mal moins cher qu'une batterie. Donc le Air Drumming, ça porte un nom, c'est le Aero Drums, Air Drumming Percussion Instrument. Ensuite, des fois, entre amis, on va se donner des petites étoiles dorées. C'est genre comme, Crème, t'as fait une bonne job aujourd'hui, tu mérites une étoile dorée. Non, moi j'en mérite pas, on me dit que j'en mérite pas. Mais pour les adultes, pour être encore plus cool, vous avez besoin de badges un peu comme dans les scouts ou les louveteaux. Tu sais, les petits badges qu'on se mettait sur les habits, les louveteaux, non? Bref, en voici quelques-uns comme, je n'ai pas dépensé tout mon argent, ça pourrait être un badge. C'est super fluo, super cool. Je me suis presque rendu au gym aujourd'hui. Ouais. J'ai presque porté une brassière aujourd'hui. J'ai pas mangé toutes les croustilles. J'ai serré mon lavage. Et je n'ai pas appuyé sur snooze aujourd'hui. Ça pourrait être des badges. C'est des badges que vous pouvez acheter et vous mettre vous-même sur votre vêtement. Ça a pas l'air d'être des macarons, malheureusement. Mais si vous accomplissez quelque chose, vous pouvez célébrer un presque effort pour 4$ pour l'emballage sur Etsy. C'est fait à la main. Envoyé partout dans le monde depuis le Canada, c'est un produit canadien. Wow! Et ça dit sur l'emballage « You adulted today ». Tu as fait l'adulte aujourd'hui. Tu mérites un autocollant et peut-être même un biscuit. Wow! Ensuite, allons-y avec des bijoux pour les femmes qui viennent d'accoucher. Tu sais, les femmes qui ont besoin de transporter leur... le fruit de leurs entrailles, peu importe, en tout temps, même si leur enfant est à la garderie ou ailleurs. Donc, c'est un bijou avec le lait maternel de la mère à l'intérieur. Donc, commémorez votre long périple avec un bijou qui contient du lait maternel. Chaque pièce faite unique et colorée de couleur crème, le pendentif. À l'intérieur du pendentif, il y a du vrai lait maternel de la vraie mère en tant que tel. Donc, $60 américains pour ce bijou des plus appropriés, j'en suis certain. Ensuite, crime, ça là est vraiment cool, c'est un observatoire pour les poissons. Si mettons, t'as chez toi une petite plaque, t'as des poissons dedans, tu veux que tes poissons se rapprochent de toi parce que tu veux, je sais pas, les regarder de très très près. Hein? C'est comme un observatoire de poissons qui va dans l'eau et les poissons peuvent. C'est comme un trou, mettons en bas, et les poissons peuvent passer à l'intérieur, c'est comme un aquarium inversé si on veut, et ils vont pouvoir sortir pour te voir. 208$ pour ça. C'est un aquarium de plexiglas qui flotte indépendamment. Ça vient avec un encre. avec un encre pour le tenir en place et ça vous donne donc un petit contact de plus avec vos animaux de compagnie que vous ne pouvez pas flatter malheureusement. Vous ne pouvez pas les flatter vos poissons. Dommage. Ensuite, ça là, c'est cool. Pour les gens qui ont un petit party, j'en ai été témoin, j'avais un party la semaine passée. Oui, j'ai des amis, oui, j'ai une famille, oui, ça me donne de sortir des fois. Donc on mangeait des... Ouais, personne n'a rien dit. Donc des fois quand tu vas manger un hot dog, des pâtes, mettons, maïs, quelque chose. Et là, t'as un verre. T'as une bouteille d'alcool, t'as une canette, t'as un verre, peu importe le breuvage. Et tu peux pas transporter ça parce que t'as pas assez de main. Tu veux aussi pouvoir checker ton Facebook, tu sais. Donc, il te faut... Oui, c'est pour un emballage, le prix. Ça coûte $30 pour l'emballage de 12, quand même. Donc, les assiettes ont des compartiments sur les côtés ou sinon, juste une rondelle. Grandeur, genre, le trou est comme proportionnellement, genre, un peu beigne, si on veut. Et tu peux mettre n'importe quel, entre guillemets, canette, bouteille ou verre. C'est fabriqué aux États-Unis. Fait de construction durable. Ça vaut la vaisselle. Design symétrique, c'est le fun de le préciser quand même que tu peux les empiler un par-dessus l'autre. Sérieusement, si ça s'était pas empilé, j'aurais dit que c'était vraiment stupide. Pourquoi est-ce que tu fais ça pas empilable? C'est comme les verres qui s'empilent pas. What the? Pourquoi? Donc, parfait pour les tailgates, barbecue, pique-nique, party et autres endroits où vous devez boire et manger. Donc, pas besoin de vous préciser les endroits parce que c'est pas mal n'importe où. Flexible, durable, polypropylène. Voilà. Ensuite, c'est une bouteille. On va revenir aux bouteilles. Ça a pas l'air d'une bouteille de loin. Ça s'appelle la Golchi Modular Bottle qui vous permet de transporter différentes boissons à différentes températures. Vraiment très, très cool. Des bouteilles isolées, on sait, c'est très bien pour garder une boisson froide et une boisson chaude. Mais tu dois choisir entre les deux. Et c'est plate. Alors qu'avec la Golchi Bottle, tu peux faire les deux en même temps parce que c'est des modules détachables indépendamment isolés. Donc on peut transporter une boisson froide qui va rester froide pendant 24 heures d'un côté et une boisson chaude qui va rester chaude pendant 12 heures de l'autre côté. Tu peux aussi transporter, je sais pas, noix, on dit poudre, J'imagine ta cocaïne ou sinon tes poudres pour te muscler, là. Médicaments et autres petits articles dans le compartiment du milieu. Donc, t'as indépendamment chaud-froid et le compartiment du milieu. Vraiment très, très cool. Sinon, la modularité de la bouteille permet encore plus de configurations, comme séparer en deux plus petites bouteilles ou connecter le haut et le bas en faisant une grosse bouteille. Par exemple, tu pourrais avoir le même liquide dans les deux. Les becs sont ajustables pour pouvoir changer le flow. Comme, mettons, quand tu bois du café, tu vas boire moins à la fois que du froid, que tu vas boire plus à la fois. Accordé, qu'est-ce que je dis? Je dis n'importe quoi parce que je suis en train de lire ce qu'on m'écrit sur ma feuille. Protein powder. Espèce d'inculte. Merci, en effet. Mais des protein powder, je suis pas sûr de croire à ça. Ça marche, me dit-on. Ça marche. Donc, les becs, comme je dis, sont ajustables pour pouvoir boire un petit peu moins de café, un petit peu plus d'eau à la fois. Tout va au lave-vaisselle, encore une fois. La Go-To Bottle a été réfléchie de tous les côtés. On demande 35$ pour acheter la vôtre. Vraiment pas cher pour une bouteille de ce genre-là. Je trouve ça super cool. C'est fait en acier inoxydable. Premium grade. Wow. Deux couvercles, quatre mécanismes pour boire. Rétention de la température à l'épreuve des fuites. Nettoyage facile avec la bouche large. On met toujours une bouche large, n'est-ce pas? 27 onces, ça veut rien dire. 11,3 pouces de hauteur. Placé BPA. Il y a donc bien des détails là-dedans. Aucune rétention de goût. Aucune rétention d'odeur. Surface qui résiste à la condensation et à la chaleur. Wow! C'est absolument miraculeux. J'en veux 3-4 de ça. Il a mis des bins dedans, je pense. C'est des bins, ça? C'est quoi, ça? En tout cas, on dirait des bins. Ou une soupe quelconque. Du café. Il y a plein d'affaires. Ensuite, tiens, ça c'est vraiment cool. Ceux qui veulent faire leur propre sandwich à crème glacée. Tu sais, on a toujours rêvé de faire ça. C'est super cher, des sandwichs à crème glacée. Donc, tu veux t'en faire toi-même. Vous pouvez savourer ça quand vous le voulez, quand l'envie vous prend. En prenant ce mousse spécial-là qui coûte seulement 20$. Super facile, on suit la recette qui vient avec. Ce design super pratique qui vous permet de mettre ça un petit peu comme... ça ressemble un petit peu à des cubes de glace pour le faire sortir. Donc tu vas simplement pousser dessus, ça va tomber dans l'assiette. Tu peux le faire à la saveur que tu veux, le petit livre, t'en fais faire à la menthe, à la vanille, peu importe. 20$ pour l'emballage de... un seul, je crois. Oui, donc fait à la main par vous, le chef à la maison. Ça inclut l'outil pour prendre la crème glacée, la cuillère, la scoop. Ça fait 4 sandwichs en même temps. Voilà, donc un seul rack pour 4 sandwichs. Donc c'est comme 4 racks. Ensuite, on reste dans le froid avec le Chillomatic. On a déjà parlé il y a quelques semaines de gadgets pour faire refroidir les canettes de liqueur ou les breuvages rapidement en les faisant tourner force centrifuge. Je sais pas comment ça fonctionne, je suis pas un scientifique. Mais ici, pour une seule canette en 60 secondes pour la faire refroidir. Quand t'as soif, une chaude journée d'été, rien de pire que d'attendre après le congélateur pendant 5 minutes. Pour attendre 5 minutes, ça va être correct, tu vas dépenser moins d'argent. Mais bon, si tu peux pas survivre avec ça, tu peux juste attendre une minute. Tu as besoin du Chillomatic Drink Cooler, un appareil qui va refroidir une canette de bière ou de liqueur à la température, de la température pièce à température glacée en 60 secondes, ce qui est 240 fois plus vite qu'elle met dans le frigo. Ils ont calculé ça. On remplit le bac, le truc, le gadget, c'est comme un genre de mini-friseur, de glace. On va insérer la canette, on va l'allumer et la canne va même pas faire de mousse lorsqu'elle sera prête. C'est ça? La canne va... Ah, OK. Parce que, dans le fond, quand ça va tourner, d'habitude, quand tu brasses une canette, tu attendras à ce que ça explose en face. Ici, c'est fait exprès pour pas faire ça. J'imagine en tournant d'une façon cylindrique, ça dit que ça t'explosera pas dans le face. Ça dit que non, c'est parfait pour les barbecues, disent. Ou le tailgating. Ou encore les mêmes exemples que tous les autres tantôt. Parce que tu bois n'importe où. Est-ce que tu as besoin de faire dire ou boire? Non. Ensuite, ça là, OK, je le dis souvent que c'est cool, mais celui-là, je le trouve particulièrement cool, plus un, je trouve. C'est comme c'est comme une plaque de Lego que tu mets sur le mur et c'est collant. Ça s'appelle Brick Tile Lego Compatible Wall Tiles. Donc, compatible Lego. C'est évidemment pas de marque Lego. Donc, solution vraiment facile. Il y a un adhésif collant à l'arrière qui permet de coller et recoller plusieurs fois à une variété de surfaces planes. Donc, les pièces peuvent être collées dessus. Hein? Et on peut même mettre plusieurs panneaux de suite pour faire vraiment un mur complet de Lego. On peut remplir ça de Lego ou de Mega Bloc. Et ça pourrait peut-être agrémenter votre cubicule au travail, vous rendre un petit peu plus original. On pourrait mettre à peu près n'importe quoi dessus. On pourrait construire un genre de place pour mettre des crayons, téléphone cellulaire. On nous suggère de mettre des fils, router ces fils dedans, des crochets, ou simplement faire de l'art par pixel. Oui, bonne idée, de l'art par pixel, des personnages de jeux vidéo 8-bit. C'est sur Kickstarter, précommandé pour 15$, évidemment. Encore une fois, Kickstarter n'étant pas un magasin, ça veut pas dire que vous allez l'avoir, mais assez simple comme prix. C'est un petit produit facile à produire, j'imagine, donc ça devrait pas être trop compliqué. Ici, on fait un beau petit rack pour mettre une manette de Wii. Ils ont construit un petit perroquet. C'est mon coup. Ensuite, allons-y avec un bain, un spa. Non, c'est un vrai bain, par contre. Un bain naturel en pierre, pour ceux qui veulent relaxer au naturel, pour avoir l'impression d'être dans une destination exotique. L'intérieur est super polypolissant, pour être vraiment confortable dans votre bain, mais l'extérieur est fait en fait, c'est une vraie pierre. Si je comprends bien, c'est une vraie pierre qui est faite comme vidée de son intérieur. Donc, de l'extérieur, c'est vraiment super, super beau. Et en plus, j'imagine que peut-être que c'est pas mal d'essayer dehors. C'est encore plus cool dehors pour pouvoir vraiment avoir comme le chaud de la pierre. J'aime ça, j'aime bien. Donc, ça coûte combien tout ça? Faut aller voir le prix. Parce que quand ils donnent pas le prix sur la tire, ça veut dire que c'est pas abordable parce qu'il faut demander un estimé. C'est ça, y a pas de prix. Il faut demander un estimé. Donc, c'est disponible seulement chez le revendeur de la compagnie Stone Forest. Allez voir stoneforest.com, un lien sur assemblagerequipe.com. Vous pouvez même trouver un concessionnaire près de chez vous. Ça doit coûter des milliers de dollars, ça se peut même pas. Tiens, on revient à la boisson. Tantôt, on a parlé de refroidir ses boissons. On a parlé de traîner une sacoche avec un compartiment de 5 litres de vin. Il va juste rendre votre vie vraiment difficile à transporter une sacoche avec 5 litres dedans. C'est un ice pack, mais c'est aussi une flasque d'alcool caché, mais en forme d'ice pack. Donc, ça s'appelle le chill pack pour transporter facilement de la boisson. Ça n'a pas l'air louche du tout. Hein. Contrairement à la sacoche où tu aurais genre une paille pour boire dans ta sacoche, ça paraît pas. Là, tu as ton ice pack. Ben oui, tout le monde traîne un ice pack, tu vas au cinéma. T'as-tu un ice pack? Ben oui, tu checkes dans ta poche ton ice pack, c'est clair. Donc, le chill pack, super subtil. C'est fait de plastique sans BPA avec 14 onces. Donc, tu peux partager ça avec tes amis dans ton ice pack. Tout à fait, c'est naturel. Donc, 10$ américains pour ça. Il nous en reste quelques-uns encore, peut-être un petit 5 environ. Vous avez peut-être vu l'info publicité à la télé. Ça existe depuis plusieurs années. C'était très, très geek, mais maintenant, c'est rendu très populaire. Donc, vous avez retrouvé ça chez Canadian Tire à un moment donné. C'est le crayon que tu peux dessiner en genre de... C'est comme du plastique. Tu peux dessiner en 3D. Donc, mettons, tu fais un dessin et là, tu commences à le monter dans les airs. Puis, tu peux faire comme une construction. Tu peux faire la tour Eiffel avec ton crayon. Ça se vend à genre probablement 2 pour 20 piastres à la télé. Maintenant, c'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler, en fait, d'un crayon qui fait de l'impression 3D avec de la mousse de savon. Soap Sud Sculptures. Donc, le 3D Foam Pen qui change un petit peu l'impression 3D, rend ça un petit peu plus original en faisant du rub-dub-dub Soap Sud Sculptures. Ça va automatiquement faire de la mousse avec votre savon. Ça va éliminer le besoin de pomper naturellement ton savon. Le processus créatif commence en appuyant sur un bouton. Ça vient aussi avec des accessoires comme des deux bases de mousse en plastique, donc j'imagine la base sur laquelle créer tes constructions. Une spatule pour mettre des formes sur tes bulles. Ça vient aussi avec trois différentes têtes pour créer des formes, comme des smiley face, des étoiles. Donc des yeux aussi à part. T'as des petites oreilles, des petits nez qui sont aussi inclus pour faire, par exemple, comme sur l'image, un petit lapin. Ça dit que c'est pas à l'épreuve de l'eau, ça peut pas être utilisé dans le bain. Donc, aussitôt que l'eau touche à ça, ça s'écrapoutille. Hein? Et le crayon présentement disponible en précommande. On s'attend à ce que ça sorte le 15 juillet. Vous pouvez le voir en action sur assemblagerequis.com. Ensuite, on retourne à la piscine. On va avec des tapis qui flottent sur l'eau. Mais c'est des très grands tapis pour plusieurs personnes. On parle de... Ici, là, je vois 6 personnes. 3 filles, 3 gars. Ça a l'air super équitable. Donc, pour changer un lac en place ou juste chiller sur un tapis, ça ressemble un petit peu à un tapis de gym, un petit tapis bleu mince. Mais c'est fait super durable et c'est capable de tenir jusqu'à 500 livres. Et tu peux facilement le rouler pour le transporter de façon super pratique et le mettre dans un petit tube ou peu importe. Tout ça pour le prix modique de 550$ américains pour un tapis de peu importe le matériau. Là, je sais qu'il vaut pas 500$. Ensuite, tiens, on retourne à l'alimentation un peu. L'alimentation, c'est malbouffe pour empêcher votre crème glacée de tomber en dessous de votre cornet. Quand vous mangez votre cornet, vous allez peu importe la place, la crème glacée finit toujours par tomber. C'est pour ça que je prends souvent ma crème glacée dans un contenant de carton. Là, parce que je mange lentement, c'est bien plus facile. Puis, de toute façon, je prends tout le temps un yogourt glacé. Je ne prends pas ça dans un cornet. Eh non, un yogourt glacé dans un cornet. Donc, pourquoi est-ce que je parle de ça? Ben parce que vous avez votre solution avec une anneau. Encore une fois, forme s'il baigne un peu, bouée de sauvetage, avec un trou à l'intérieur qui va, dans le fond, c'est fait en cornet. Et ta crème glacée tombe dans ce socle de cornet-là. Et après ça, vous pouvez manger vos bouts de cornet sans vous salir les mains. Et en plus, vous avez comme plus de cornet, on aime ça. C'est bon, ce cornet. C'est pas parce que j'en prends pas que j'en pense. Donc, évitez les doigts collants. Dit l'article. C'est fait du même, des mêmes ingrédients que le cornet lui-même. Pas de prix encore sur l'article. Qu'est-ce que vous faites? Dripdropcone.com. Si on magasine dans certains magasins, ça. Ah, ils vendent des t-shirts. Ben oui, montrez-moi donc les cornets dès le départ à la place, non? Sur votre magasin. Laissez-donc faire, bande de besoin. Drip drop. Ah, il y en a. Oui. Il est où ton lien pour que tu puisses cliquer dessus? Il n'y en a pas. Ben, mange de là, tu sais. Mange du cornet. Il n'y en a pas. On n'ira pas. Non, il n'y a rien là-dedans. J'ai jamais vu un site aussi mal fait que ça. Je clique n'importe où, comme n'importe qui ferait, là, puis je le trouve pas. Il y a un brevet américain, par contre, ils l'ont dit. Ils sont passés à Shark Tank, d'aquarium de requins, de bouche du dragon, du lion, de l'antre, du... C'est ça. Ensuite, on a parlé tantôt de sandales avec du gazon dans le fond, faux gazon synthétique pour se sentir confortable dans vos sandales. Bon, ça c'était tout à l'heure. Maintenant, on a des tapis en faux gazon anti-fatigue. Donc, pour ne pas fatiguer vos pieds, soulager vos pieds fatigués après une journée stressante en pliant sur ce tapis de faux gazon synthétique. C'est fait pour être extra doux au toucher. Ça mesure 30 pouces par 24 pouces, donc ça peut entrer à peu près en dessous de n'importe quel bureau. Pour 35 $ américains, ça, j'avoue que ça m'intéresse plus que les sandales parce que les sandales, comme j'ai dit, ça va entre les orteils, puis j'ai pas ça. Et on termine avec Pillow, qui est un petit robot intelligent qui distribue vos médicaments. On parle souvent de robots dans l'émission Le Mathieu Planche Show, mercredi 15h. Mais ici, j'en ai gardé un pour vous, ça existe. C'est en financement sur Indiegogo. Pillow, qui est un adorable petit robot capable de reconnaître les habitants d'un foyer et de distribuer les médicaments aux bonnes personnes, nous dit Cubic.com, un appareil intelligent qui a cependant un prix non négligeable. Donc, selon la startup Pillow Health, le pilulier connecté doit avoir un écran tactile, des yeux rieurs dotés d'un système de reconnaissance faciale et un pilotage de la voix. Pillow est un petit robot sympathique qui se propose de distribuer les médicaments aux personnes d'un même foyer. Il peut s'agir de pilules liées à des maladies, mais également de vitamines et autres compléments alimentaires. Pillow reconnaît la face de la personne en face de lui et peut distribuer les bons médicaments au bon moment. Il peut également émettre des rappels sur un smartphone pour éviter les oublis. Est également capable de prévenir une autre personne si l'utilisateur n'a pas pris certains médicaments. Par exemple, pour les personnes âgées, on peut stocker jusqu'à 4 semaines de pilules ou jusqu'à 2 semaines pour les personnes ou familles prenant beaucoup de médicaments. Oui, ou une semaine pour les gens qui en prennent encore plus, ou encore 8 semaines pour les gens qui en prennent encore moins. Ça se demande. Le robot peut également répondre à certaines questions liées à la santé. Par exemple, il est possible de le questionner sur le nombre de calories présentes dans les aliments. Dans le pays où le service va être proposé, il pourra connecter l'utilisateur avec un professionnel de la santé capable de répondre à des questions plus pointues. Pour l'instant, l'appareil est prévu pour un fonctionnement en langue anglaise. Les concepteurs assurent que Pillow sera capable de parler plusieurs langues en temps voulu. Parler de capteurs compatibles iOS et Android connectables en Wi-Fi à Internet. Pillow est présenté comme un véritable condensé de technologie. On va commercialiser ça en 2017 pour le prix de 600 $ américains. La campagne Indiegogo est là depuis le 28 juin. On commencé pour 269 $ américains. C'est comme moins que la moitié, ça vaut la peine. En quelques heures, ils ont récolté 33 800 $ sur les 75 000 espérés. Ça ne veut rien dire parce que je vais voir en temps réel. Pour nous qui sommes le mardi, 16h environ, on est rendu à 61 000, donc 82%. Il reste encore quelques jours. C'est plate, Kickstarter nous dit le nombre de jours qui reste, mais eux autres, ils disent juste genre... Je pense que ça veut dire qu'il reste un mois, ça, je me fais. Donc, il reste un mois pour Pillow. Bon. L'entreprise souligne que l'échec potentiel de sa campagne ne l'empêchera pas de sortir le produit l'année prochaine. Ils ont plus de pouvoir donner d'argent. Une fois encore, le financement participatif est surtout un moyen de faire parler de l'objet sans réelle campagne publicitaire. On me dit qu'en effet, on dirait Wally. J'ai vu un article sur un autre robot qui disait que les gens de Wally avaient travaillé sur ce robot-là, mais je crois pas qu'ils avaient travaillé sur le Pillow. Donc, j'imagine que tout le monde se copie les uns les autres parce qu'en tant que tel, Wally, on s'entend que c'est un beau petit look de robot. C'était attachant. On voulait comme un robot. On voulait faire un robot. Donc j'imagine que c'est pour ça qu'ils ont fait un petit robot qui ressemble à Wally. Ce qui fait penser à Wally, je pense que c'est ses yeux. Comme des demi-courbes. Un simple en fait toujours. Hein? Alors voilà, les liens sont sur assemblagerequis.com pour cette blague de ça existe, mais ça devrait pas là. On s'en va entendre une pièce. Je vais vous choisir une autre pièce des palmarès, c'est fou. En anglophone parce que... En anglophone. En anglais. Une pièce anglophone en anglais. C'est quoi l'autre fois que j'ai vu? Quelqu'un qui disait « Ah oui, parle francophone. » Je sais pas si c'était par rapport à Cœur de pirate. Donc, on s'en va entendre. Weaves. Ah tiens, oh! J'aime ça, j'ai comme un petit peu redécouvert un sac de bonbons que j'avais chez nous. Fait que j'ai mangé des bonbons cette semaine. Fait que Candy, Weaves. C'est la première fois FM, c'est fou. Assemblage requis. Après ça, on va manger. Peut-être. On mangera plus tard. On va voir. Dans une grosse fois. On va parler de façon. Sugar coated.

j'en ai comme trop, là. Elle s'est versée, je pense, la moitié du sac, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dedans. Donc, je vais regarder ça. Moi aussi, je vais sentir un petit peu pour voir si tu as raison là-dessus. Parce que moi, je trouve. Ça sent pas, autant le sriracha ou la crème soda. En fait, ça sent pas ça du tout. Je dirais quasiment que ça sent le cheddar un peu. Tu sais, les chips au cheddar, ouais, au gratin. Ouais, c'est vrai. Mais peut-être un petit peu mélangé avec de l'adresse. Oh, elle a mis ça dans sa bouche sans la demander. Ok, je vais y aller moi aussi. Ouais. Ah, j'en prends une qui est pliée. J'aime ça les plier. C'est mes préf. Attends. Et où ma pliée? J'ai pas. On dirait que je sais pas que ça goûte. Ça goûte encore le au gratin. Les ruffles au gratin. Ça goûte le fromage, voyons. Y a pas de crème. Ça goûte pas la crème soda, ça. Ah, oh, il y a un petit arrière-goût de crème soda. Très, très minime. Mais la sriracha, bof, on repassera. Tania, elle vient de m'écrire. Et jalouse, hein? Elle dit, t'es-tu à la radio? C'est Tania qui m'avait dit que tu voulais pas faire de la radio. Elle va prendre le temps d'y répondre en ondes. Mm-hmm. Prends le temps d'y répondre. Dis-nous ce que tu écris en même temps. Salut, j'ai dit beauté. Oui avec plein de i, moi, si ça, comme une vraie fille. Là, hey, j'ai dit comme une fille, ça veut dire? Oui. Hey, je vais prendre ma pliée, je l'ai retrouvée. Avec, tu sais, le emoji, je l'ai fait trois fois, cet emoji-là, mais tu sais, l'emoji qui pleure parce qu'il rit tellement. Ah, ouais. Mais celle-là. C'est bon, mais rien de nouveau. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est un goût. C'est qu'on... plate. Oui, c'est ça. C'est plate parce que c'est pas un goût nouveau. Non, puis tu sais, quand tu mets quelque chose au sriracha, faut que t'en mettes beaucoup parce que faut que ça goûte le sriracha. Sinon, c'est décevant. Ça goûte la crème sure qui aurait été à peine plus épicée. Pas assez, moi je mets mon pouce en bas pour ça. Toi? Ouais, effectivement. Ça reste des bonnes chips, mais il y en a vraiment pas beaucoup dans le sac et ça révolutionne rien. Donc je dirais que Lay's a un peu manqué son coup là-dessus. Mais ça en plus, qu'ils sont au même prix que les autres sacs. Oui, c'est ça. C'est quand même cher les chips Lay's. Mm-hmm. Donc, c'était les Lay's ondulés, crème sure et sriracha. On parle de fast-food maintenant. On parlait de petits biscuits, de petits poissons, c'est les Goldfish Crackers, qui vont être disponibles dorénavant en version blé organique biologique. Donc Pepperidge Farm qui offre les nouveaux Goldfish Crackers Made with Organic Wheat en trois saveurs, cheddar, parmesan et biscuit soda. La saveur de biscuit soda, là, je l'ai vu plusieurs fois dans les nouvelles récemment et je ne comprends pas. C'est comme nature, le biscuit soda. Ben, ça goûte le sel. Les biscuits soda, là. C'est ça. C'est sel. C'est, mais ça ne vendrait peut-être pas autant que mais, le biscuit soda. Mais je comprends pas. Goldfish veut le faire une virée, genre... bio. Santé, bio. Ouais. Tu sais, c'est un snack, genre, pour enfants. Ouais, c'est ça. Mais bon. Donc, c'est, ça cible les clients qui aiment la nourriture biologique. C'est 70% biologique, certifié par le California Certified Organic Farmers. C'est accrédité par la USDA, domestique et internationale. Blablabla. On peut les trouver dans les magasins majeurs aux États-Unis en sac de 8 onces, refermable, pour un prix suggéré de 4$ américains. Ça suit l'introduction des Goldfish Baked with Whole Grain, avec des grains entiers l'an dernier. Donc, on essaie de varier les produits chez Goldfish. Mais encore une fois, ça vient même plus dans les pintes, là, ça vient dans des sacs refermables, c'est plate. C'est pas recyclable. Pas recyclable. Oh, c'est un bon point, ça. Ah, je sais. En plus, ils sont seulement 70% organiques et biologiques. Il pourrait être 100%, tu sais. Effectivement. Puis le sac est pas recyclable, fait qu'à un moment donné, sois conséquent avec toi-même. Parce que les gens qui aiment le biologique sont souvent pro-environnemental. C'est ça, Lintan lève la main. Oui. Donc, à un moment donné, hein, sois conséquent avec toi-même. Bon. Ensuite, on sera pas conséquent du tout ici parce qu'on va être vraiment malsain. Tu sais, des fois, t'as à choisir entre des rôtis et des céréales pour déjeuner. Tu sais, ça t'arrive. Ouais. Si tu voulais mélanger les deux, tu peux maintenant, aux États-Unis, te procurer des céréales Tiny Toast. À la cannelle ou pain French Toast, là, c'est quoi ça s'appelle ça? French Toast. Pain doré. Frosted, donc un petit peu sucré. Barre d'arachide, chocolat, biscuits sucrés et petit. Donc Tiny Toast, saveur de bleuet et de fraises de General Mills. C'était chez Woodman's Markets aux États-Unis. J'aimerais bien goûter à ça. J'imagine que ça doit goûter le pain au bleuet. Ça doit être très très bon. Tordu. Un autre Spotted et une autre nouvelle saveur de Oreo. Les Oreo, il y en a tout le temps des nouveaux. À chaque chronique, je pense, on fait au moins une nouvelle saveur de Oreo, que ce soit au melon d'eau. Il y avait l'autre fois au bonbon. Pas barbe à papa, mon petit bonbon pétillant. Bref, ici, c'est les biscuits Graham. Donc, pour l'extérieur, c'est les biscuits Golden Oreo. Donc, à la place d'avoir les Oreo noirs, c'est les Oreo plus. Beige un peu. Ouais. Bon. Mais à l'intérieur, c'est au bleuet, tarte au bleuet. Ça s'appelle les Blueberry Pie Oreo. Ça doit être débilement bon. Ça doit être très très bon. Donc, est-ce que ça reproduit fidèlement la tarte au bleuet? On verra. Mais c'est chez Target, exclusivement chez Target aux États-Unis. Donc, on va voir si ça s'en vient chez nous. Moi, à date, les Oreo spéciaux qu'on a mentionnés, à part pour les Oreo minces, les Tins qui sont sortis récemment, j'en ai pas vu d'Oreo originaux au Québec. On les amène pas, on les importe pas. D'autres saveurs originales maintenant chez Krispy Kreme au Japon, c'est leur nouveau beignet estivaux avec un beignet qui contient sur son dessus une vraie tranche de vrai citron. Oh! C'est le Ring Ring Summer Fruit Team Donut. Donc un beignet avec une tranche ronde de citron. Le Lemon Glazed Donut avec donc c'est un beignet sucré original avec du glaçage au citron et une tranche de citron. Il y a aussi le Watermelon Donut qui est un beignet sucré original décoré pour avoir l'air d'un milieu d'un centre de melon d'eau. Donc dans le fond, il y a comme une garniture rouge, des petits points noirs et un contour vert pour faire comme un melon. Tu me mens-tu? Ah ben oui, ben oui, excuse-moi. Absolument. Ah, OK, parce que je comprenais pas quand non, c'est l'expliquer. Ça. C'est un petit peu difficile. Je t'ai pas dit d'aller sur assemblagerequis.com, cliquer sur l'émission d'aujourd'hui, ouvrir une grosse boîte d'adresse, puis ouvrir les liens. C'est normal. Je t'ai dit ça à la dernière seconde avant que tu sois. Effectivement. Je vais te les montrer. Donc, ça fait partie de leur Ring Ring Summer, donc des beignes à saveur, si on veut, estivales. Les beignes sont disponibles à partir du 8 juin. C'est déjà commencé jusqu'au 19 juillet pour 230 yens. Tu sais? 2,14$ américains chaque. Pour voir les photos en passant sur assemblagerequis.com, comme je l'ai dit. Maintenant, Shark Week, c'est très, très, très à la mode depuis plusieurs années sur Discovery Channel. Ils ont tout le temps une semaine thématique sur les requins. Donc maintenant, on ramène les desserts de la Shark Week chez Cold Stone Creamery. C'est une genre de crèmerie, hein, Cold Stone, aux États-Unis. Donc c'est le retour pour ces, ces trucs aux requins. Pas aux requins, mais à tendance requin. C'est commencé depuis le 26 juin. On peut trouver Shark Frenzy Creation et The Great Blue Cupcake. Le Shark Frenzy Creation, c'est de la crème glacée sucrée bleue mélangée avec des biscuits Graham, de la croûte de pâte de tarte. C'est le contour d'une croûte de pâte de tarte. Ouais. Ouais. Et des requins en gommis. Donc on dirait des requins qui nagent dans l'océan. C'est les, ça a l'air quand même bon. Ah oui, des gommis, on s'entend. Savais-tu que Cold Stone, justement, c'est la crème glacée du Tim Hortons? Ah! Les Tim Hortons sont rares, ceux qui ont de la crème glacée. C'est plus à Montréal. Ici, ben, il n'y en a pas. À Trois-Rivières, il n'y en a pas. Il y en a, je pense, 25 ou 26 au Québec. Ah, wow! Ouais. Je ne savais pas ça. Ouais, voilà, je viens de t'apprendre quelque chose. Ben, absolument, une chance que tu es là, mais c'est très cool. Cool, c'est toi. Donc, le Great Blue Cupcake, c'est des... dans le fond, c'est un cupcake au chocolat rempli d'une couche de gâteau jaune, d'une crème glacée bleue sucrée, du glaçage bleu fluffy et un requin en gommis. Donc les deux desserts sont disponibles pour un temps limité jusqu'au 5 juillet. C'est aujourd'hui ça. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent le mardi. Un autre Spotted, à part des mélanges de biscuits de Hello Kitty et des Ninja Turtles, là c'est pas de ça que je veux vous parler. En fait, je veux vous parler de quoi déjà? C'était... Ah oui, les Fruit Refreshers. C'est ça. C'est la compagnie Del Monte. Que Del Monte, les fruits en petits cups. Ok, oui, oui. Donc, ils viennent de sortir des comme de mash-up, si on veut, des genres de mash-up. Les Fruit Refreshers, donc, t'as des morceaux de mandarine dans de l'eau de noix de coco légèrement sucrée. Ok, donc des mandarines dans de l'eau de noix de coco. Et t'as aussi des ananas et des fruits de la passion dans de l'eau de fruits légèrement sucrée. Donc, c'est comme un mélange de différents fruits. Ça doit être quand même bon. Ouais, c'est original, c'est comme... Mais ça doit avoir quand même vraiment beaucoup d'agents de conservation. Ça. Absolument, absolument. Del Monte sont reconnus pour ça. Puis c'est pas ouais, des grosses portions non plus. Non, tout, effectivement. Deux cuillères. J'ai aussi vu... Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai aussi vu du Jello à saveur de Welch's. Tu sais, le jus de raisin Welch's. Ils sont rendus qu'ils font plein de produits dérivés. Ils font du Jello Welch's. Ils font aussi des... Pas des jujubes, là, mais tu sais, des espèces de bonbons en gelée. Hein, ouais. Ça, moi, okay. Ouais, c'est ça. On va chez Ben & Jerry's maintenant aux États-Unis. Tu connais chez Dairy Queen, on te sert ton blizzard à l'envers. T'sais? Oui. Donc chez Ben & Jerry's, c'est pas exactement la même chose, mais on essaie de virer à l'envers la crème glacée. On se rappelle il y a quelques semaines, j'avais parlé des Flavor Flip. Il y avait Fully Baked, qui est comme une version tordue de leur populaire crème glacée Half Baked. Donc ils font la même chose ce mois-ci en faisant, en versant à l'envers leur Chubby Hubby, qui est une crème glacée connue chez Ben & Jerry, pour l'appeler la Tubby Hubby. Donc pour ceux qui connaissent pas Chubby Hubby, c'est de la crème glacée à vanille maltée avec des bretzels couverts de fudge aux arachides et du fudge et une torsade de beurre d'arachide. Alors que Tubby Hubby, ça va être comme un genre de twist là-dessus, c'est de la crème glacée au beurre d'arachide avec des morceaux de bretzel salé et sucré en swirl, en torsade, et du fudge en swirl. Donc c'est comme un genre de contraire, si on veut. C'est chez Ben & Jerry's aux États-Unis. Je trouve que c'est pas assez inversé comme saveur. Ça fait juste comme si c'était une autre saveur. Je trouve que c'est plus du marketing que d'autres choses de changer crème glacée à la vanille pour de la crème glacée au bord de pin, puis changer de la torsade de ci à ça. Je trouve pas ça si intelligent que ça. On va chez Burger King maintenant, qui amène le Whopper aux crevettes, ainsi que le Whopper de porc. Hein? Wow! Donc, oui, Burger King a déjà essayé de faire des hot dogs et des burritos. C'est quelque chose de différent ailleurs dans le monde. Donc, c'est le Whole Shrimp Whopper qui prend votre Whopper traditionnel, donc bœuf, laitue, mayonnaise, oignon et tomate, moins ketchup et ajoute une couche de crevettes entières sur la boulette de bœuf avec une sauce tomate épicée, comme les sauces qu'on a habituellement avec les, oui. Avec les crevettes. Ça a été présenté pour la première fois en Corée du Sud. Si vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus fancy, ils offrent aussi une version à steak. À la place d'une version bœuf normale. Et puis le Pork Whopper est en Thaïlande, lui. On peut commander n'importe quel Whopper avec du porc grillé sur le grill ou encore une boulette de bœuf. La chaîne ajoute d'autres trucs spécialisés, localisés, comme le Flame Grilled Pork and Sticky Rice avec du riz collant et les mêmes galettes de porc cuits sur le grill, cuits à la flamme en fait. Une cuillerée de riz collant et ce qui ressemble à une sauce aux arachides, un petit peu comme pour tremper. Tu sais, la sauce aux arachides, comment c'est bon? Oui! Miam, miam. Celle de ma mère, c'est la meilleure! Ah, ben, Caroline, que t'es chanceuse. T'es vraiment chanceuse. Je suis triste. On va chez McDonald's maintenant, qui amène une nouvelle sauce à Big Mac. Devine à quelle saveur? Au sriracha, toujours en France, les autres. C'est quoi ta affaire, là? Je sais. Donc, c'est leur nouvelle sauce Big Mac au sriracha dans leur nouveau menu Signature Sriracha. C'est ça? Signature Sriracha Flavor sur leur Signature Crafted Sandwich Menu. Un menu de sandwich personnalisé fait à la main, signature à Los Angeles et à San Diego. Il se trouve tout le temps des noms de plus en plus longs. Donc la nouvelle option évite la laitue iceberg et la laitue en feuilles. À la place, ça met du baby kale, du chou frisé bébé et des bébés épinards pour aider à équilibrer la nouvelle sauce épicée. On inclut aussi, voyons, du cheddar blanc, des oignons croquants et de la tomate. Alors on peut choisir aussi sa viande et son option de pain. Leur nouveau menu Signature Crafted Sandwich Option et sa sauce accompagnement peuvent être retrouvés dans les McDonald's participants de San Diego et Los Angeles pour un temps limité et ensuite à partir du 7 juillet à Seattle. Un autre Raw Spotted, c'était... C'est de la garniture à popcorn au chocolat en bouteille. C'est comme une bouteille de ketchup squirt, là. C'est fait pour aller chez moi, je sais, t'aimes tout à l'heure ça quand je dis squat. Non, mais c'est parce qu'à chaque fois que je suis ici, il faut que tu utilises ce mot-là, c'est comme... C'est le mot que j'utilise pour une bouteille de ketchup. Qu'est-ce que tu veux dire, voilà. Sinon? Comprimable? Personne qui dit ça. C'est ça le mot? Comprimable ou compressable, en tout cas? Bruit de cricket. Mais c'est laid. Donc, ça s'appelle Drizzle Brittle Chocolate Popcorn Topping. Ils ont aussi... En fait, non, ils ont pas aussi. C'est donc un sirop de chocolat qu'on met sur du popcorn. Ça dit « Smooth and creepy and creepy ». Du chocolat doux et épeurant. Non, creamy. Bref, je sais pas qu'est-ce qui le rend différent du chocolat que tu mettrais sur de la crème glacée. Je sais que celui sur la crème glacée va te faire une petite coquille. Celui sur le popcorn, je sais pas. Mais ça a l'air bon. Puis de toute façon, tu te le fous directement dans la bouche. Ensuite, un autre spotted, c'est les Hershey Spreads. Tu connais peut-être les Reese Spreads. Tu peux tartiner du Reese sur tes toasts. C'est sorti il y a quelques mois. Ah ouais? C'est vraiment super bon en plus. Mais Hershey, ailleurs dans le monde, aux États-Unis, a sorti aussi une tartinade pour le pain ou peu importe. Mais cette fois-ci, il y a une nouvelle saveur. Les Hershey's Spreads Caramel. Ça a l'air vraiment bon, donc le chocolat Hershey mélangé avec du caramel pour mettre, entre autres, peut-être même pour une fondue ou peut-être juste pour tremper des fruits dedans. Ben, une fondue puis tremper des fruits dedans, c'est pas... Ben, une fondue, c'est que le chocolat est chaud. Ouais. On retourne chez McDonald's. On retourne chez McDonald's qui pourrait être forcé à arrêter ses McFlurry ou M&M. Outrage! Donc le M&M McFlurry pourrait de plus être sur le menu chez McDonald's très très longtemps. Et la chaîne, ce sera pas sa décision en fait. Selon un reportage de Reuters, Mars Inc., les fabricants de M&M contemplent d'enlever les produits M&M des produits en fait très très sucrés dont le McFlurry. La compagnie a eu des discussions avec McDonald's et d'autres partenaires de Mars par rapport à l'inclusion de ces bonbons dans des produits super sucrés, super sugary products. Donc enlever ça, c'est une des idées qui est discutée. La compagnie essaie de renforcer sa position sur les bonbons et plusieurs de ces bonbons de leurs produits dans le fond. Ils disent que ça devrait être savouré en modération, alors que dans un McFlurry, pas tant de modération. Je sais pas si t'as vu combien il y a de M&M dans un McFlurry. Il y en a beaucoup. Donc même si l'idée est amenée qu'on enlève les McFlurry, McDonald's pourrait quand même, s'ils veulent, s'ils le désirent, passer à des bonbons enrobés de chocolat qui ne sont pas de marque M&M. Il y en a d'autres sortes. Hein. Genre Great Value, je pense qu'ils en font. Ils pourraient choisir un autre partenaire de chocolat enrobé. Là, t'sais. Mais tu sais, comme tu sais que j'ai un peu de misère à écouter longtemps, là. Au moins est honnête, hein? Oui. Ok, qu'est-ce que t'as raté dans ce que j'ai dit? T'es en train de dire, là, que. Il n'y aurait plus de McFlurry? Ouais, au M&M. OK. Je pense que je m'en ai à avoir une crise cardiaque. Oh, wow! C'est pour ça qu'il faut faire attention un petit peu plus. Lin Tan et Tan Tan sont les deux pas mal pareils. On a remplacé 4,30 sur une pièce. on reste chez McDonald's avec... Pardon. Ça fait trop rire. Donc, McDonald's à Singapour maintenant. Leur menu local est de retour avec des frites couvertes de crabes. T'as compris, t'as entendu ça? Frites couvertes de crabes. Donc, un peu comme McDonald's au Canada qui a un menu local en ce moment avec différentes saveurs du Canada. Là. Ça n'a absolument rien à voir avec le Canada, mais quand même. Donc, un menu... À Singapour, qui est récemment revenu. Des nouveaux articles, dont Salted Yolk Chicken Burger, donc un burger au poulet au jaune d'œuf salé. Intéressant quand même. Une galette de jaune d'œuf salé, j'imagine, dans le burger. Et le Crab Flavored Twist and Shake Fries, donc ça, c'est les frites. On a déjà parlé de ça dans cette chronique-ci, mais c'est de la poudre qu'ils te donnent avec tes frites, et tu peux mettre ça dans ton sac, verser le cup de poudre, mettre les frites, et shaker ton sac pour avoir une saveur sur tes frites qui vient comme s'accrocher. Donc, c'est la même chose, mais ici, à saveur de crabe. Donc, c'est pas littéralement pané comme du crabe, là, mais il y a de la poudre à saveur de crabe sur tes frites. On se comprend? Oui, je comprends, mais... Ça, je trouve ça bizarre. En tout cas, c'est pas grave. Bon, mais t'as pas goûté l'autre fois au petit craquelin ou au crabe ou je me rappelle pas c'était à quoi, aux crevettes? C'était aux crevettes. C'était super bon. Oui. Donc, dans des frites. Mais ça, tu sais, je veux dire, les craquelins justement aux crevettes, là, c'est quand même assez répandu en Asie. Ouais, oui, tu sais, je connaissais quand même. Tu sais, je connaissais déjà ça. Ma mère en achetait vraiment souvent avant. Mais de la poudre au crabe sur des frites. T'es même pas intrigué un peu? Si ça goûte vraiment le crabe, ça pourrait être super bon. J'avoue. Tiens, justement, j'ai des détails sur le burger au poulet avec le jaune d'œuf salé. Non, c'est un filet de poulet pané avec une sauce à saveur de jaune d'œuf salé. C'est pas une galette de jaune d'œuf. Ouais. De la laitue et des feuilles de curry sur un pain au poivre noir et blanc. Apparemment, le salted egg, les œufs salés, c'est quelque chose de très grand, très gros, très populaire à Singapour. Ça se retrouve dans plusieurs plats, donc on le sait chez McDonald's. Sinon, il y a des spicy nuggets, donc une version épicée des croquettes de poulet signature chez McDonald's. T'as le McSpicy, qui est c'est du poulet mariné, croustillant et frit, avec des épices super épicées, super intenses. C'est avec les laitues et mayo sur un pain sésame grillé. T'as le banana pie, ça a l'air génial, c'est comme un petit chausson chez McDo, mais à saveur de banane, avec des morceaux de banane chaude dedans. Tu sais, je sais pas si t'as déjà goûté, sûrement que t'as déjà goûté, il y a des bananes chaudes, tout le monde a déjà goûté à ça. Oui. C'est vraiment super bon, c'est comme le dessert préféré de ben des gens, dont moi, dans un petit chausson. Là. Oui, c'est vrai, ça doit être super bon. Oh, oh, oh, oh! Et il y a un McFlurry Gula Melaka. Quoi? Attends un peu. Donc c'est de la vanille, comme la vanille molle, avec un sirop à saveur de Gula Melaka. On va aller voir ce que c'est. Ouais, c'est ça, je m'en étais demandé. Et des morceaux de layer cake, une sorte de gâteau. Gula Melaka, c'est un mélange de coconut palm sugar, donc un sucre d'huile de palme de coconut, de noix de coco, chose comme ça. C'est similaire au caramel mélangé avec du caramel écossais butterscotch. Butterscotch. C'est bon ça, non? C'est sucré en titi, par contre. Ouais, mais un McFlurry, c'est toujours sucré, puis la crème glacée vient un petit peu des fois tempérer le sucre. Ouais, c'est vrai. Je goûterais bien ça. Ah, la grosse nouvelle, la prochaine, c'est celle la plus importante que j'aurais dû mettre en premier. Peut-être avez-vous vu passer sur Facebook, sinon je vous l'apprends et vous allez tous triper. T'es peut-être un petit peu jeune pour ça. T'as quel âge? J'ai 23. 23 ans, t'es trop jeune pour ça, je pense. Pour avoir connu le Crystal Pepsi. Ça me dit quoi, là? Ça te dit quelque chose? C'était en magasin pendant un bout de temps, je me rappelle pas si c'était quelques mois, mais c'était un Pepsi normal. Sauf qu'il était transparent, donc c'était l'apparence du 7-Up, mais le goût du Pepsi. Les gens trippaient bien raide, c'était super futuriste, là, les gens. Retour vers le futur. Ouh là là. Je pense que dans Retour vers le futur, ils buvaient du Crystal Pepsi. Bref, donc le Crystal Pepsi va être de retour aux États-Unis et au Canada. Oui, oui, oui. Donc ça s'en vient aux États-Unis à partir du 8 août prochain. Et attention, au Canada, c'est rare qu'on ait les choses en premier. Le 11 juillet. C'est bientôt. C'est dans 6 jours. Dans 6 jours, donc lundi prochain. D'ici notre prochaine émission, on va pouvoir peut-être acheter du Crystal Pepsi, clin d'œil, wink wink, pour peut-être le goûter à la radio. Effectivement. Il va falloir que tu reviennes pour ça. Je sais pas si je vais travailler par contre. Mange donc, disponible pour t'inviter sur le Donc, Clear Pepsi, donc ça va être disponible en bouteille de 20 onces pour un prix suggéré de 1,79$ US pour célébrer le retour de Crystal Pepsi, qui a été lancé au début des années 90 pour la première fois. Ils vont aussi ressortir le populaire jeu des années 90, un jeu textuel que tu devais répondre avec du texte, Oregon Trail. Ça va ressortir, mais ils vont l'appeler The Crystal Pepsi Trail. Hein? Ouh là là! Très rétro. On va pouvoir trouver le jeu en ligne sur crystalpepsi.net à partir du 7 juillet, donc dans 2 jours. c'est vraiment cool que les années 90 sont de retour. Mais ouais, mais tu sais, même la mode, là, la mode des années 90 est de retour. Oui, là. Même le fluo, il y a à en mettre dans l'eau. Non, ça, c'est le fluo, je pense. Ouais, ça, c'est le fluo. Mais quel jeu de mots poche. Ensuite. Ah, mais attends, avant de passer à autre chose, okay. Là, Tania, elle fait dire qu'elle vaut plus que 4,30 sous. Ah, oh, mais moi, mais c'est pas une question de valeur, c'est une question d'échange paritaire. Donc, c'est comme échanger de l'argent canadien contre de l'argent canadien. Ouais, mais moi, je faisais passer le message, là. Fait que t'as tu t'obstineras avec elle. Je vais faire ça, je vais faire ça. Elle a encore du temps pour revenir avant la fin de l'émission. Effectivement. tiens, on va rester au Canada parce que, Caroline, quand il y a des choses au Canada, c'est rare. La plupart du temps, je fais cette chronique-là, tout le monde me dit, mais là, où est-ce que je peux acheter ça? Ben, tu peux pas parce qu'il faut que t'ailles à Singapour, faut que t'ailles, donc, ici, on reste au Canada avec la chaîne Country Style. Connais-tu la chaîne Country Style? Ça me dit quelque chose. Moi, j'ai été impressionné de savoir, d'apprendre que Country Style est la troisième plus grande chaîne de café au Canada. Pour vrai? Ah ouais. J'imagine que c'est Tim Hortons, Second Cup, et après ça, Country Style. Ou ben même... Starbucks, non. Ouais, même, bon. je mettrais peut-être Starbucks avant Second Cup. Il y en a tant que ça, des Starbucks? Ben, il y en a pas Trois-Rivières, parce que Trois-Rivières, tout est inexistant. On a refait. Exact. Mais... Je veux dire, si tu vas à Montréal, il y a des Starbucks à toutes les coins de rue. Ouais, c'est ça. Mais bon, donc c'est la troisième chaîne apparemment au Canada. Donc si vous connaissez un Country Style en quelque part, vous allez devoir vous présenter là-bas le plus rapidement possible pour manger un bang au Cinnamon Toast Crunch. Un bang au croque-cannelle, ma sorte de céréales préférée, croque-cannelle. C'est super bon. Donc dans un bang. Ça a l'air génial. En plus, non seulement le bang est à saveur de cannelle, mais en plus, il y a de la crème sur le dessus du bang et littéralement, ils ont mis des céréales. C'est ça qu'il fallait qu'ils fassent. À la place d'être comme d'autres sortes de beignes qui goûtent le Oreo parce qu'ils ont mis du Oreo broyé dedans, t'sais. Tu veux des morceaux d'Oreo, tu veux des mini Oreo sur ton beigne, tout le monde sait ça. T'sais. Donc ils ont mis des céréales Cinnamon Toast Crunch et je les trouve géniaux. Félicitations. Chez Country Style, troisième chaîne de café au Canada. Je peux te voir. Y a-t-il une photo du beigne? Y a une photo du beigne, mais hein, qu'il y a une photo du beigne. Ça a pas l'air tant bon. Hey, les Cinnamon Toast Crunch! En tout cas, ça dit que... Non, le reste, c'est des informations sur les calories. Et dans cette chronique-là, on s'en sacre. Pour ceux qui aiment le beurre de peanut, c'est pas ma sorte préférée, même que je dirais que... Avant, dans ma liste, mettons, avant les produits genre marque maison, là, sans nom, compliment, etc., il y a Skippy juste en haut de ça. Puis après ça, mes préférés sont en haut. T'sais, Skippy est comme borderline que j'aime pas tant. Je trouve que ça goûte pas tant les peanuts. Je trouve que ça goûte fade du Skippy. Mais bon, tout ça pour dire qu'ils sortent aux États-Unis des bouchées de barres de peanuts Skippy. Donc, ça s'appelle les Skippy PB Bites. C'est des craquelins Graham ou encore du granola en genre de mouton, OK? Mais dans un biscuit fait avec du Skippy. Donc, c'est comme une boule et la boule est au beurre de peanuts. Et quand tu manges la boule, dedans, t'as du granola ou dedans, t'as des biscuits Graham. Quand même cool. Ça cache les affaires qui sont bonnes pour toi dans quelque chose qui goûte bon. Des petites boules! C'est vrai que ça a l'air bon quand même. Des petites boules! J'arrête de dire des petites boules. Effectivement. On retourne chez McDonald's. On va au Texas, en fait. Hi-ha! C'est le McDonald's Burger on Texas Toast. C'est donc exclusif au Texas. C'est un burger servi sur du Texas Toast. Tu connais les Texas Toast? C'est comme des grosses rôties vraiment super épaisses. Très, très carrées, très massives. Très, très beurrées. C'est vraiment super bon. Donc, on l'appelle le Lone Star Stack. Le burger a deux boulettes de bœuf, une par-dessus l'autre. Des oignons... une sauce barbecue à l'oignon sucré. Des oignons grillés. Du bacon à la fumée de pommier, du fromage cheddar blanc et du fromage cheddar orange, et des crinkled pickles dans des cornichons ondulés entre deux tranches de Texas toast. Quand même. Ben. Ça a l'air traditionnel pas mal, hein? Oui. Ouais. Puis le végé en moine trip potent. Trip potent là-dessus. Non, c'est ça. Bref, ça vient d'un concours créé votre propre burger qui a eu lieu en mars. Le gagnant, c'était Joseph Pena de Houston. Il a été sélectionné par un panel d'influenceurs de la communauté. Donc, McDonald's est aussi par des employés et les propriétaires de McDonald's au Texas. Voilà. Le concours a suivi une compétition chez McDonald's l'an dernier à Chicago. Selon la chaîne, la plupart des participants étaient épicés, de très gros burgers, bien sûr, remplis de bacon. Je pense que c'est traditionnel pour les amateurs de fast-food. Donc, le Lone Star Stack est disponible dans les McDonald's de participants du Texas jusqu'au 28 août. Entre autres, Austin, Beaumont, Bryan College Station et plusieurs autres McDonald's. On va rester dans la viande, je m'excuse. Hein? C'est correct. Chez Carl's Jr. Sûrement que t'aimeras même pas, de toute façon, ça te dérangera même pas de pas pouvoir y goûter. Parce que c'est un burger au fromage à la bière Budweiser. C'est Budweiser, c'est pas une sorte de bière que tu veux comme boire. Non, effectivement. Déjà que j'aime pas tant la bière, là, on s'entend, la petite Bud, c'est pas celle que je préfère. Au moins, c'est pas de la Molson Canadian ou autre truc comme ça. Effectivement. Donc, on teste un nouveau burger avec du fromage à la Budweiser dans au moins un Carl's Jr. Dans le sud de la Californie. Ça s'appelle le Budweiser Brew House Bacon Cheeseburger. Avec deux tranches de fromage au Budweiser, avec du bacon fumé de pommier truc, une galette de bœuf charbroiled, oignons caramélisés, laitue et tomate. Carl's Jr. s'est associé avec plusieurs marques de spiritueux et bières avant, mais le burger Budweiser est nouveau pour eux. Si vous voulez le voir, il y a une petite publicité, une critique vidéo, oui, sur assemblagerockey.com. Un autre spotted, oh, ça me surprend en fait, ça me dit que, dans l'article en tout cas, ça dit que c'était disponible dans d'autres pays, mais moi j'ai jamais vu ça ici, je crois que c'était pas disponible au Canada. C'est la limonade Sunkist en bouteille. Limonade Sunkist, apparemment que ça existait ailleurs et que les gens tripperaient là-dessus, mais donc en bouteille vous allez pouvoir vous procurer la limonade Sunkist peut-être éventuellement. En tout cas, ici c'était vu aux États-Unis. Mais Sunkist, c'est pas la marque de jus d'orange là? C'est ça. Ils font de la limonade. Ouais. Tabarnine. C'était peut-être disponible en canne, genre congelé, peut-être. Peut-être. Tiens, un autre nouveau produit, cette fois-ci, au Royaume-Uni, c'est la barre protéine Mars. Moi, en tout cas, je n'ai pas encore vu ça ici. Évidemment, je ne peux pas tout connaître les produits. Là. Si ça existe ici, vous m'en excuserez. Mais nouvelle barre Mars disponible pour être... en fait, c'est fait pour être plus santé, avec protéines ajoutées, donc 19 grammes de protéines et seulement 200 calories. On dit que c'est présentement disponible sur Amazon au Royaume-Uni. La barre est un petit peu plus plate qu'une barre Mars normale, un petit peu plus rectangulaire, les coins moins ronds. Il n'y a pas de vague de chocolat sur le dessus. Donc elle a l'air très différente. Elle a l'air plus d'une barre tendre, la barre Mars protéine, qu'une barre Mars normale. Ah, hein? On dit que le chocolat est très très mince, juste assez pour donner une petite saveur de Mars. Ça dit juste assez pour être calmant. Ça dit même chose pour le caramel. Ensuite, c'est la partie nougat. Attends un petit peu. La misère, Mathieu? Ben, c'est parce que la phrase est drôlement faite. The nougat bit is the new soya protein. Donc, ils ont remplacé le nougat par le système de protéines soya avec une texture mâchouillable, genre. On dit que c'est lourd et que ça ressemble quasiment à de l'argile. C'est presque poudreux dans la bouche. Donc, il dit que c'était pas très, très bon texturalement parlant. Ouais. Ça a pas l'air excellent. Je suis pas sûr que j'essaierais, mais bon, il y a ça des affaires, pourquoi pas. Mais c'est-tu moi ou genre plein de compagnies essaient de virer full santé? T'as là. Pas le choix, faut suivre la mode. Sinon, ton chiffre d'affaires descend. Puis c'est pas bon pour les actionnaires quand ça descend, faut que ça monte. Oui, mais tu sais, je veux dire, manger santé, ça devrait pas être à la mode, ça devrait être un mode de vie. Ah, que c'est beau. Je vais couper ce bout-là, puis on va faire une pub avec ça. Ok. Ça t'es cœur. Parfait. On va essayer de vendre ça à quelqu'un. Tu sais, que dirais-tu si tes saucisses avait à l'intérieur d'elle-même du fromage? Tu sais, mettons dans un hot dog, là bon, il faut que t'ailles dans le frigidaire, prendre une tranche de fromage, faut que tu l'ouvres, tu plies en deux, tu mettes ta demi-tranche de fromage, c'est de la job, là! Mais le plus obligé! Direct dans la saucisse! Et voilà, directement dans la saucisse, grâce à Oscar Mayer et le fromage Velveeta. Ça s'appelle les cheese dogs. Donc, c'est des saucisses faites de poulet et de dinde et de porc. Et c'est un fromage évidemment préparé, là, une solution pasteurisée préparée à base de fromage, là, comme c'est tout le temps écrit sur les produits. Là. Donc le nom scientifique, Pasteurized Prepared Cheese Product. Moi, de toute façon, j'aime pas le Velveeta. Je trouve pas ça bon, le Velveeta. Je trouve pas que ça goûte le fromage comme j'aime le fromage. Donc dans des saucisses, en plus des saucisses de restants de viande de différents animaux que tu sais pas trop d'où ça vient. Pas sûr, mais ça existe. Ensuite. Effectivement. Un autre spotted, j'adore les toaster strudel, tu sais, les petites pâtisseries que tu mets dans le grille-pain, là, qui sont avec des petits fruits des champs, c'est comme des Pop-Tarts, mais en bon, tu sais, genre. Je trouve. C'est ça de savoir de quoi tu parles. C'est comme des genres de petites pâtisseries avec de la crème de fruits dedans. Il y a beaucoup de crème de fruits, puis t'as du glaçage que tu mets dessus en petit sachet. Ah, oui, je sais quoi. Donc, Pillsbury qui fait ça, ils ont sorti aux États-Unis une édition limitée de leur toaster strudel avec, à la place d'avoir un glaçage sucré blanc, à la place, c'est un glaçage au beurre d'arachide. Peanut Butter Flavored Icing. Et celui-là sur différentes versions. Ici, je vois Peanut Butter and Strawberry, donc aux fraises, évidemment, ça fait confiture, beurre de pins avant ça. Et t'as Mixed Berry. Moi, ma sorte préférée de toaster strudel, et je les ai toutes essayées. Bien sûr, j'ai essayé ça, tu me fais confiance là-dessus. Mais c'est celle aux petits fruits des champs. Je trouve que c'est les meilleurs toaster strudel. Avec du glaçage au beurre d'arachide. J'ai hâte. Je sais pas. Je vais devoir attendre. Je suis un peu sceptique. T'as la race. On va chez... on revient chez McDonald's. On parle normalement de McDo. Ouais, mais c'est eux qui innovent le plus et c'est eux qui sont le plus dans le monde. Ils ont comme beaucoup de succursales, fait qu'ils peuvent essayer plusieurs affaires partout dans le monde, tu comprends? Donc c'est normal. Ouais, c'est sûr, mais là, on leur a fait publicité, là, oh, ça devrait pas... Oh boy, oh boy! Donc, on parle d'un petit, des petits pains fourrés. Tu sais, les petits pains fourrés? Ouais. Mais au homard. Ah! Dans certains McDonald's pour 2016. Fancy. Ouais, fancy. Donc, c'est un petit peu leur inspiration de la Nouvelle-Angleterre. On présente donc dans les restaurants McDonald's du nord-est des États-Unis le McDonald's Lobster Roll, qui dans certaines régions va s'appeler le McLobster, évidemment. Original. Donc, c'est du homard du North Atlantic Lobster, du nord de l'Atlantique, avec de la mayonnaise, mélangé avec de la mayonnaise, servi froid sur un pain fourré avec de la laitue et de la... en fait, c'est dit des feuilles de laitue ainsi que de la laitue déchiquetée, hein, en petite coupure. apparemment, non, pardon. apparemment, le sandwich a été un succès dans cette place-là des États-Unis l'an passé, donc on le ramène. Chaque lobster roll coûte 9$ américains. C'est vraiment cher. On approche la quinzaine de dollars canadiens. Oui, effectivement. Ouch. Un autre spotted... Ah oui, tu te rappelles, en certains, en fait, c'est quel fast-food déjà qui offre... Je crois que c'est peut-être... Sushi IW. En tout cas, ils ont comme un wrap et dans le wrap, t'as une patate grillée. Tu sais, comme les petites patates à déjeuner, grillées dans le wrap. Il y a c'est ça pas au Tim? C'est peut-être au Tim. Mais là, chez Jimmy Dean, compagnie populaire de produits surgelés aux États-Unis, je pense qu'ils ont sûrement des restaurants, en tout cas, peu importe, Jimmy Dean, ils vont faire le contraire, finalement. C'est des stuffed hash browns. À la place de prendre un wrap et de mettre une patate à déjeuner dedans, c'est une patate à déjeuner que dedans, t'as du bacon, des légumes. Pour vrai! C'est n'importe quoi! C'est vraiment n'importe quoi! 5$ par boîte! T'en as 4 dedans! C'est cher, là! Ça vient à 1,25$ par... Ça n'a aucun sens! Et t'as 3 saveurs minimum, donc je vois bacon and veggies, donc bacon et légumes. T'as meat lovers, amoureux de la viande. Et t'as sausage and cheese, saucisse et fromage. Donc, aucune option végétarienne du tout. Non, effectivement. Ils pensent pas aux gens comme moi. Comme toi. Qui sont végés, justement. Ils devraient penser aux gens comme toi. Oui, effectivement. Et dernier spotted pour ce bloc-ci. En fait, je pense qu'on va avoir le temps pour quelques autres encore. C'est les Orange Cream Pop Crunch. C'est comme les Captain Crunch, mais à saveur de super popsicle. Tu sais, là, orange et crème. Oh mon Dieu, c'est tellement bon. J'adore ça. Est-ce que t'as goûté au drink à ça? Il y en a dans plusieurs bars, seulement le creamsicle. Hein. Ils font ça, puis c'est vraiment, ça goûte pareil comme un creamsicle. Penses-tu qu'ils font ça à chef? Ça me surprend. Peut-être. À chasse. Peut-être. Même, et ouais, ben, on ira checker tantôt. C'est une maudite bonne question, ça. Donc ça, c'est des Captain Crunch à cette saveur-là. Je pense que c'était tout pour celui-là, absolument. Sinon, allons-y avec, un autre Spotted. Hey, Kim, qu'on a beaucoup les Spotted aujourd'hui. Ouais, hein? Des Chips Ahoy. Tu connais les biscuits Chips Ahoy? Ils ont du chocolat des fois dedans. Biscuits mous. Des fois, ils ont du chocolat fourré dedans. Ça arrive. Des fois, il y en a ouais, pas. Ouais, ok, oui, oui, ouais. oui. Donc, maintenant, les Chips Ahoy fourrés, il y en a aux S'mores, aux États-Unis, et il y en a aux Red Velvet. C'est tellement bon, les Red Velvet. Oui, c'est vrai. En forme de biscuit, d'après moi, ça doit goûter pas mal la vraie affaire. Un petit peu genre, c'est quoi qu'il y a dans ça? C'est pas de la crème sûre du. Dans un Red Velvet, c'est quoi la fromage à la crème? Oui. C'est ça. Donc, j'imagine, j'espère que ça goûte ça. C'est marqué saveur artificielle. Je mettrai pas la barre trop haute dans mes attentes, mais bon. Red Velvet Chips Ahoy. Tu connais les Girl Scouts aux États-Unis? Ils font souvent des produits avec genre les Tin Mints, les Blondies. Ils ont comme plein de sortes de chocolats qui vendent porte à porte les scoutesses, les Girl Scouts. Ouais, je vois. Ouais. Un peu comme dans des. Dans Despicable Me qui vendent des biscuits. Ouais. Oui, c'est ça. Ben, y a beaucoup de sitcoms, beaucoup de films qui ont des Girl Scouts dedans qui vendent des produits comme ça. Donc, c'est un peu la même chose, mais c'est avec la marque des Girl Scouts parce qu'ils ont vraiment un logo puis du marketing derrière eux. Mais en mélange que vous pouvez faire à la maison maintenant. Donc, c'est Pillsbury qui a acheté la licence des biscuits Girl Scouts. Ils vont sortir plein. Donc, au total, il y a 4 saveurs pour l'instant. Il va en avoir plus. C'est des mélanges à cupcake et à brownie. Donc, t'as les Girl Scouts Thin Mints Brownie Mix. Thin Mints Flavored Cupcake Mix, il y a tout le temps flavor, là, c'est pas tout le temps à saveur de. Oui, c'est ça. Donc Thin Mint, Brownie et Cupcake et Caramel and Coconut, Blondie et Cupcake. Donc les Blondie, c'est des petits biscuits. On peut trouver ces mélanges-là dans les magasins aux États-Unis pour environ $3.29 par boîte. Mais ceux qui s'ennuient des saveurs de Girl Scouts ou qui ont déjà goûté ça dans leur jeunesse, ça arrive. Vous pouvez maintenant peut-être vous rassager. Peut-être que tu m'aimeras pas, mais on retourne chez McDonald's. Mais oh mon Dieu! C'est un de mes derniers de McDonald's. Donc, qui offre maintenant un flotteur. Tu sais, les flotteurs, c'est comme la liqueur avec de la crème glacée par-dessus. Ouais. Donc, ils l'offrent avec du Dr. Pepper. Ça s'appelle les Dr. Pepper Floats. Dans des endroits sélectionnés à Seattle et New York. C'est donc de la crème glacée molle saveur McDonald's sur du Dr. Pepper. Ça coûte $2 pour un verre moyen. C'est pas la première fois qu'on le voit aux États-Unis. En fait, il y a des restaurants en Oregon qui vendaient des Dr. Pepper Floats l'été dernier. Ainsi que Root Beer, Coke, liqueur à l'orange et Sprite. La chaîne a récemment donné aux franchisés plus de flexibilité pour offrir de nouveaux articles dans leur menu. C'est pour ça qu'il y a maintenant des bols déjeuner, des frites à l'ail, des trucs comme ça dans différentes parties du pays. Les floats sont nouveaux aux États-Unis, mais ils ont déjà de la popularité en Inde, aux Philippines et à Hong Kong. Le nouveau Dr. Pepper float ne sera pas disponible nationalement pour l'instant. Mais on peut quand même, évidemment, s'en faire un soi-même. Hein? Ça me fait un peu penser, en fait. Tu sais, là, je pense que c'est à la crémière, là, les Barbotons, c'est ça? Ah oui, Mont-Blanc. Ouais, avec Mont-Blanc. La crème glacée dessus. C'est ça, exactement. C'est bon. Mais ça. Au lieu que ça soit de la slush, c'est de l'alcool. Oui, c'est ça, c'est vraiment la même chose. J'ai chocolat favori aussi, ça, puis c'est bon. Ah ouais? Oui. Non, je savais pas. C'est vraiment bon. On va chez Starbucks maintenant pour faire différent. Ils vendent un hybride de bouteilles et de verres en même temps. Donc, les verres réutilisables, c'est la norme pour Starbucks aux États-Unis. On a déjà parlé de ça, qu'ils avaient essayé de les remplacer par des tasses, ça n'a pas marché, bon. Donc, c'est ça. Et dans certains pays asiatiques, oui. Donc, des bouteilles mélangées avec des tasses commencent à être offertes. C'est qu'on peut dévisser la partie du dessus, qui est la partie bouteille. Donc, en deux. Tu peux aussi séparer au milieu. Donc, la moitié du bas peut être utilisée comme un verre et la moitié du haut, c'est un peu comme. Il y a un bouchon. Tu veux voir, Nintendo? Regarde ça. C'est une bouteille qu'on sépare en deux. Hein, c'est beau. Donc, t'as comme une bouteille, l'aspect bouteille avec un bouchon en haut. Et puis, si tu veux t'en servir comme verre, t'enlèves le milieu. C'est combien cette affaire? Ça ne dit pas le prix, malheureusement. Ça dit que c'est plus facile aussi de nettoyer la bouteille quand tu l'ouvres en deux. Différents designs avec des pailles et en aussi avec un petit crochet pour pouvoir l'accrocher après ta ceinture ou peu importe. C'est des bouteilles saisonnières qui sont offertes dans des pays dont la Chine, Taïwan et Corée du Sud. M'en retourner par chez nous. C'est ça. Mais maudite bonne idée pour vrai. De retourner par chez nous? Ouais, c'est ça. Exactement. Qu'on ait pu attendre à la radio. Tu connais les Bloomin' Onion? Dans plusieurs restaurants, il y a des genres de d'oignons éclatés que tu peux commander, mettons, à la cage, truc patente comme ça. Donc, maintenant, on rajoute des frites, du fromage et du bacon dessus. Chez Outback Steakhouse. Boy. C'est la version loaded de leur Bloomin' Onion à partir du 21 juin. Donc, c'est déjà fait. Selon People, le Loaded Bloom. Ça ressemble à des rondelles d'oignons. C'est comme un genre d'oignon frit avec de la panure dessus, qui est ouvert comme une fleur. Et dessus, on ajoute des frites assaisonnées, du Monterey Jack fondu, du cheddar, du bacon en copeaux, de la vinaigrette Spicy Ranch. Donc, ils ont décidé de tout ajouter par-dessus leur Bloomin' Onion, je pense. Ouais. Hey, ça donne 2360 calories. C'est un repas complet, là, cette affaire-là. Là. Aïe, aïe, c'est incroyable. C'est même plus qu'un repas complet, en fait, quand on parle. C'est malade, ça. J'en veux. Bref, Colin, nous voilà arrivés à la fin de cette chronique d'une grosse pointe d'adresse. On a fait un bon 40 minutes là-dessus. Merci, Linton, d'avoir participé à la chronique. Ça fait plaisir. C'était super cool, t'es vraiment bonne. Puis c'est vrai que ça remplace bien Tania. Oh. Qu'elle fasse attention à sa job. Ben non, je veux pas y voler sa job parce qu'elle fait mieux que ça que moi. Puis. Arrête. Mais c'est Tania quand même. T'es réinvité n'importe quand, bon. Ouais, de toute façon, je m'invite tout le temps. Mais d'habitude, tu t'invites à faire des niaiseries. Oui, c'est ça. À te faire rire, puis pour que t'aies de la con, même si t'es toujours de la con. Merci, merci. Ça fait plaisir. On va résumer les affaires qu'elle m'a écrites. OK. Donc, tes gadgets sont bizarres, comme toi, puis chers, pas comme toi. C'est très bon. Celle-là, je pense que c'est ma meilleure. Ensuite, on a t'es geek, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de populaire. On a protein powder, espèce d'inculte. Bon. T'es vraiment bizarre, madame sourire. J'aime comment tu fais tes bonhommes sourire pour qu'ils soient visibles sans avoir à te pencher à la tête parce que t'es pas capable. C'est quoi, t'es pas assez flexible pour te pencher à la tête? Hein? C'est pour ça. Non, aussi... t'es juste pas drôle, là, en ce moment. Ben ça, c'est ça, fallait être là, mais c'est je verrais ton chat se frotter dessus pour se gratter, c'était juste drôle. Et on dirait Wally. Ça, j'ai dit en nom. Ça, j'ai dit en nom quand même. Oui. Parti bien. Voilà. Donc, c'est tout pour l'émission de cette semaine. C'était vraiment très, très amusant. Mais on doit se dire au revoir pour une autre semaine de 7 jours qui va commencer chronomètre maintenant. On va se retrouver la semaine prochaine, toujours les mardis entre 14h et 17h. Plus tard aujourd'hui, il y aura du baseball des Aigles à partir de 18h55. On rejoue le samedi entre midi et 15h. Après nous, c'est Sky Punk, l'émission de Punk Rock avec Brian Amel. Et finalement, on rejoue le dimanche entre 10h et 13h. Après nous, il y a encore un autre match des Aigles, suivi d'En Piste avec Tania Baudin. Soyez-y. Tania va vous retrouver justement les mercredis à 14h pour En Piste. Moi, je vais être là mercredi entre 15h et 17h pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. CIF.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission et les balados diffusion. On se quitte avec une dernière pièce des palmarès, tant qu'en avoir écouté beaucoup aujourd'hui. On va entendre Bleu Toucan. Ça, c'est le nom du groupe. L'album s'appelle Origami et la pièce s'appelle Hanoï Café. Passez une bonne semaine. Merci encore, Nathan. Merci, Mathieu Plante. Bye. Bye.